Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. Nouvelle playlist et nouvel invité. Et surtout, on continue dans ce que j'appelle le couloir de meuf. Quatrième invité de la playlist, mais pas la moindre, puisque je reçois l'étoile montante du podcast francophone. Nous sommes le 9 décembre 2015 et c'est parti pour la playlist de Kikrine. Comment ça va, Kikrine ? Ça va bien. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont intéressés vaguement. Hein. Je ne te demande pas ton âge à la seconde près, mais en gros, qui es-tu ? Oh, c'est pas préparé, je sais. Attends, c'est pas évident ça comme question. Qui je suis ? Je suis Karine, et puis voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Est-ce que tu es une femme des années 80 ? Je pense, ouais. Oh, après, les gens, je pense que ceux qui me connaissent... m'ont déjà entendu dans mon podcast, et ceux qui ne me connaissent pas, ils apprendront à me découvrir. Voilà, c'est tout, je pense. C'est bien, ça. Je pense que ça va être pas trop mal. Est-ce que tu es prête à mettre ton titre de bon goût musical de l'année 2015 ? Parce que tu es quasiment la dernière à enregistrer cette année. Ah, ok. Oui, non, bah, ça me pose pas de problème. Après, mon bon goût, il est vraiment très personnel, mais après... Ça reste toujours très personnel. On a eu des choses très intéressantes dans les playlists précédentes. Ça, faut voir. Faut aimer, c'est tout. Alors surtout, on va pouvoir attaquer avec, en ce mois de décembre, qui fait froid et qui fait vraiment temps pourri en fait, avec un titre sorti en 1992 qui fleure bon les groupes à la Mano Negra, à savoir Je veux du soleil par Au Petit Bonheur sur l'album Le Mal de Vivre. Sorti en 92, et ça je l'ai déjà dit. Je vais peut-être t'expliquer pourquoi j'ai choisi la chanson là. C'est juste parce que ça fait partie des premières chansons que j'ai entendues et que j'ai mémorisées par cœur parce que j'adore les paroles. Voilà, en fait, c'est pas du tout mon style de musique, c'est pas du tout le son que j'ai souvent dans les oreilles, mais juste j'adore les paroles. Voilà. Yeah, elles sont pas compliquées, je veux du soleil, c'est vrai que ça aide pour la mémorisation. Ouais, mais je pense pas que ce soit si simple que ça en fait, si on écoute ce qu'il dit après. Alors pas tout de suite là, au premier abord, où le refrain peut paraître un petit peu cucu. Mais si on écoute un petit peu plus loin, quand le texte prend sa place, et je trouve ça intéressant. Alors je sais pas, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette chanson en fait ? Eh ben je pense qu'il va venir là à le dire, attends. Ça sonne sur une guitare, oui. En 92, t'avais quel âge ? T'as une calculatrice là ? La décennie 90, t'avais quel âge ? Oh je sais pas. T'allais encore au lycée ou alors tu es passé directement dans le monde actif ? Ah non, je suis allé au lycée là, je devais avoir 14 ans à peu près. Ah bah ah oui. Ah donc c'est la bonne époque pour ce type de chanson. Ouais. Voilà. Un enfant grandit trop vite. Eh ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a marqué dans cette parole ? Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ça, et c'est exactement moi, quoi. Un enfant qui aurait grandi trop vite et qui... en fait, c'est cette partie, cette tranche d'âge 12-16 ans où c'est ce moment-là où tu vis ton adolescence, où tu fais nimpe, et du coup, moi, c'était carrément pas le cas. Et on me demandait déjà d'être un adulte, et du coup, voilà, c'est pour ça que quand j'ai entendu la chanson-là au départ, qui est quand même assez entraînante, C'est ça, voilà. Tu regrettes un petit peu ce moment où tu aurais voulu être juste encore un gosse et puis c'est pas le cas. T'as pas le choix, tu dois être un adulte tout de suite. Et voilà, c'est pour ça. Cette chanson, elle m'a parlé direct et voilà. Après, je vais pas dans les détails, quoi. Mais quand il crie « je veux du soleil », ben ouais. C'est le petit truc c'était qui ça. Qui donne envie de bouger, qui donne envie de... Ouais, parce que finalement, on peut voir ça un petit peu comme une chanson super joyeuse, mais il y a quand même un fond qui est vachement triste, je trouve. Moitié joyeux, moitié... qui est complètement à l'opposé de la mélodie, en fait, et de toute l'instrumentation. Ouais. Est-ce que tu es une personne de contraste ? Ah, oh, sûrement, je pense. Oui, j'ai des grandes questions théoriques comme ça, c'est formidable. Bah moi, je te répondrai que je pense qu'on l'est tous. On l'est tous, forcément. Entre la personne que tu es et que tu montres et la personne que tu es réellement, il y a forcément un énorme contraste. Voilà. Ma réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre ? Absolument rien, c'est pas grave. Mais c'est marrant, parce que, alors merci Wikipédia, il faut que je le cite encore une fois, évidemment, dans l'épisode. Ils ont fait plusieurs albums, ces mecs-là. J'ai ouais. jamais remarqué. Mais non, celui-là, en fait. Ouais, on retient que celui-là. Après, ils ont dû passer un petit peu dans le côté un peu, je sais pas, ils sont redevenus anonymes, je pense. Puis ça fait un peu penser au Jazz Manouche qui est un peu à la mode en ce moment, je trouve. Et... Pourtant, dernier album en 2013, La Saison des Grandes Chaleurs. Pas entendu parler. Bon, moi, je parle de musique, donc de toute façon, on m'en bat les steaks, mais pas entendu parler du tout. Les noms ne disent rien. C'est malheureusement un groupe au mono-succès ou tu les as pas suivis après ? T'as pas trop été attiré ? Il y avait que la c'est ça, il y avait que la chanson là qui m'a plu. Et du coup, je suis allée voir comme je t'ai proposé cette chanson là, je suis allée voir un petit peu ce qu'ils faisaient et c'est vrai que non, j'ai rien suivi d'autre que cette chanson quoi. C'était un petit peu le coup de cœur d'un soir, oh là, ça va partir en romantique à deux balles, le coup de cœur d'un soir sur une chanson qui t'est restée toute ta vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est nul comme phrase, c'est horrible. Mais t'es beaucoup chanson française ou pas du tout ? Ça dépend du moment en fait. Moi je suis chanson française quand j'ai très envie de chanter et sinon le reste du temps, ça, je peux écouter n'importe quoi. T'es pas trop hurler des paroles en anglais un peu ridicule au feu rouge ou des choses comme ça. Si, quand je suis toute seule et qu'on m'entend pas. Oui, t'en vas comme tout le monde, c'est normal. C'est drôle, je chante tout ce que tu veux, mais toute seule. Alors que je veux du soleil, tu peux le faire devant des gens. Ouais, ça va pas me gêner. Parce que je maîtrise. Et c'est rigolo parce qu'en fait, cette chanson que j'avais pas écoutée depuis un bon moment, je me souvenais encore exactement de toutes les paroles par cœur. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'est resté et qui est. Voilà. C'est aggravé, ça t'est resté dans la tête depuis la petite enfance. Ouais. Peut-être mieux qu'un poème de Verlaine ou je sais pas quoi, ce qu'on apprend à cette époque-là. Ah oui, non, ça c'est automatiquement supprimé de mon disque dur. Une fois que t'en as plus besoin pour le réciter à l'école, tu l'oublies, quoi. Alors que je veux du soleil, ça reste. Bah ouais. Alors, on va changer un petit peu. On va retourner quelques années en arrière avec un célèbre batteur. En tout cas, c'est comme ça qu'il a commencé, je crois. Phil Collins avec Another Day in Paradise en 1989. Ah ouais. Là, il en fait plein, bien fait. Mais il a fait que des trucs bien Phil Collins. Alors là, c'est vraiment le style d'artiste pour lequel je suis absolument pas objective. Parce que c'est toute mon enfance. Alors, c'est pas juste Phil Collins, mais je devais choisir, donc j'en ai choisi une un petit peu plus emblématique du moment-là, mais ça regroupe un petit peu tout ce que j'écoutais à cette période-là. Donc, il y avait en même temps, il y avait Genesis, il y avait Dire Straits et des choses comme ça. Et en fait, c'est... Alors, je pourrais te parler de la musique, du son, des instruments, de la voix et toutes ces choses-là, mais en fait, moi, c'est là que vraiment, quand j'ai commencé à écouter ça, que j'ai découvert un petit peu toute cette partie musicale. En fait, c'est mon papa qui m'a fait découvrir tout ça. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je pense que dans les anciennes playlists que j'ai écoutées, tout le monde a parlé un petit peu de ce qu'il a entendu quand il était gamin ou sa maman qui mettait ça dans la voiture, des choses comme ça. Et ben voilà, moi, j'ai passé énormément d'heures avec mon père à écouter ce genre de musique. Mon papa était quelqu'un qui travaillait beaucoup et il avait un gros camion et du coup les seuls moments où je pouvais un peu être avec mon papa c'est quand il m'emmenait avec lui dans son camion et il avait le tableau de bord de son camion qui était couvert de CD hein, de la fenêtre de droite à la fenêtre de gauche. Et il y avait toute cette panoplie de CD qui ont bercé toutes les heures que j'ai partagées avec mon père. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, tu peux dire n'importe quoi de Phil Collins. De toute manière, moi, quand j'écoute, je suis avec mon papa. Donc je suis pas objective du tout. Et voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir tout ça. Et c'est rigolo parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne parle pas un mot d'anglais et qui n'avait que ce genre de musique, quoi. Et moi, j'adorais avoir les CD dans les mains, j'adorais les images qu'il y avait dans les albums de Genesis. Je pense qu'il avait aussi tout. Alors, il y avait les musiques, il y avait l'album classique et puis il y avait aussi tous les spéciales concerts et les choses comme ça. Et moi, j'adorais, quoi. Voilà. Donc. C'est vraiment comme ça que tu l'as connu. Tu as continué à l'écouter après. Ah oui, c'était non, mais juste ces moments. Non, c'est voilà quoi. Maintenant, il est bientôt à la retraite. Les CD sont chez moi et c'est toujours c'est mon moment à moi quoi. Et c'est là que j'ai découvert toute cette musique que j'aurais sûrement pas découverte en écoutant simplement la radio quoi. Il hein. Il y avait même du Diana Ross, quoi. Il y avait Police, il y avait tout ça, les Eagles, et tout ça, c'était juste génial, quoi. Des heures interminables de route, hein, tu vois, où on écoutait ça. Peut-être aussi que c'était une façon qu'il avait trouvée pour que je me taise. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Je ne vais rien dire, parce qu'évidemment, je m'en prends plein la gueule si je dis quoi que ce soit. Non, mais non. Je suis de bonne composition, moi. Je me vexe pas facilement, tu sais. Tu as continué à le suivre après parce qu'apparemment il avait travaillé pour Disney sur la bande originale de Tarzan et de Frère les ours. Non, désolé. Pas du tout. Non. C'est la période là que j'aime, c'est tout. Mais après, peut-être que je suis pas allée assez en profondeur. Après, je suis passée à autre chose. Hein. Après, c'est vraiment le Phil Collins, années 90, Genesis et tout. Attends, Kungo, mais c'est bien, enfin c'est un artiste qui est quand même top quoi. Je veux dire musicalement. Ils ont un titre Kungo, mais je me souvenais plus que c'était Genesis en fait. Non, c'était juste Phil Collins tout seul ou encore quelqu'un d'autre. Je n'en trouvais plus. Merci YouTube, c'est formidable YouTube. Ah t'as pas été sur Wikipédia là. Ah mais c'est pas avec lui d'ailleurs. C'est pas lui, d'accord, c'est Genesis, mais sans lui, oui, il a dû partir à un moment Bref, il a pas tout le temps été dans le groupe, hein. Au départ, je crois pas que Phil Collins était à l'origine dans le groupe de Genesis, et après, il est venu en tant que chanteur. Ouais. Et après, il est passé chanteur entre temps. C'est ça. Avec ce son de batterie absolument inimitable. La légende dit qu'en gros, il se serait planté sur un branchement de batterie, ça fait un son un peu bizarre. C'est pour la petite anecdote, d'accord. Oui, c'est l'anecdote nulle, on s'en fout. Non, moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve ça intéressant, en fait, les anecdotes, des fois ça... Oui, mais comme j'ai aucune preuve... D'accord. C'est juste des trucs entre... Bravo, bref, on s'en bat les steaks. Ok, ça me va. C'est très très années 90 apparemment. Je m'en suis rendu compte, ouais. C'est à ce moment-là que t'as commencé à t'intéresser un peu à la musique ou à écouter des influences ou... Peut-être. Je me suis pas posé la question en fait. Tu m'as demandé de faire une playlist. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais mettre ? Et j'ai cherché un petit peu. Puis après, je me suis dit merde, arrête de réfléchir et mets juste ce que t'aimes bien et voilà. Donc c'est tombé là-dessus, donc ouais, peut-être bien que c'est la période qui me plaît plus. Donc quand je vois la suite de la playlist, ça commence à être de plus en plus logique. C'est vraiment la période... Enfin, vous verrez ça avec les morceaux suivants, je reviendrai dessus, vous allez comprendre. Alors là, on va poursuivre avec une chanson maudite. Elle fait partie des classiques et vous obligera, si vous l'écoutez, à absolument tout chanter jusqu'au bout avec les cœurs en remuant la tête. C'est obligatoire, ne cherchez pas. Ça remplace largement les possibilités de la carte Kiwi. Il n'y a pas mieux. Je ne sais pas s'il y a mieux. Mais Non, il n'y a pas mieux, cherche pas. On trouvera peut-être. Hein. Donc on va écouter un titre issu de Night at the Opera de 1975 par Queen. Ouais, c'est presque un sacrilège de parler dessus, tu t'en rends compte. Mais je ne parle pas dessus là. J'ai pas encore Alors, lancé. On va la laisser et on parle par pas. Queen. Non, je peux pas tout laisser non plus. On m'en laissera l'intro. Donc on va écouter Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy. Alors, j'étais obligé de le couper. Je veux pas laisser un morceau en entier, sinon je vais me faire strike à la gueule. Mais sachez, je pense qu'on est deux ici à avoir très très très très envie de ne rien dire. Ouais, c'est ça. J'attends qu'il chante. Mais. Il y a des moments qu'on adore plus que d'autres, mais en même temps, on aime tout, quoi. Ah, mais l'intro un peu plus c'est calme, juste... maman, et puis le gros coup de guitare, tout le monde se met à gueuler partout, Galileo. C'est juste génial. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que cette chanson, qui est super longue, te fait passer par plein de sonorités différentes et plein de styles différents. Et c'est ça qui est super aussi quand t'écoutes Queen, c'est que ils vont réussir à te faire écouter quelque chose que tu ne serais jamais allé écouter, quoi. Quand tu tombes sur des parties, faut qu'on se taise là, tu m'excuseras. Non mais je peux pas. Il faut continuer à parler. Force-toi, je sais pas. Ouais, je peux raconter n'importe quoi si tu veux. Non, mais j'ai compris. Carry on. Et du coup, voilà, tu vas voir des chansons qui vont être presque des choses lyriques, de l'opéra. Il a même des duos qui sont avec des personnes que vraiment, vraiment, tu serais jamais allé écouter, quoi. Moi, je trouve ça génial que quelqu'un puisse réussir à t'amener à écouter. Ce style-là, quoi. Tu vois, il n'est pas enfermé. Je dis « ils » parce que je pense à Freddie Mercury, mais il écrivait une partie de des titres, des albums, mais il n'y avait pas que lui, quoi. Hein. C'était vraiment le groupe ensemble. Et puis voilà, quoi. Moi, j'aimais beaucoup le guitariste. Pourquoi je dis « j'aimais », en fait ? Je crois pas qu'il est mort. Hein. Mais je sais, t'as envie de te taire et d'écouter la suite, mais là, faut... J'étais amoureuse du batteur parce que j'aimais beaucoup le batteur. Et j'ai découvert ce groupe, en fait, quand Freddie Mercury est mort, hein, je pense un peu comme tout le monde, j'avais pas l'âge de les découvrir quand ils ont commencé, quoi. Bon, je sais que moi, j'avais un âge en négatif, donc techniquement, ça pouvait être très compliqué pour les découvrir. Et voilà, là, par exemple, ça y est, c'est en train de changer de style. C'est quand même. Scaramouche. Ouais, voilà. Pardon. Voilà, de l'opéra de Figaro, un peu, hein. C'est terrible. Et... C'est terrible de parler là-dessus. C'est horrible. C'est très très difficile. Non, c'est pas difficile. C'est un sacrilège. Et en fait, pareil, cette chanson, en fait, la première fois, tu vas la découvrir pour le style et pour le son. Et puis, c'est à force de l'entendre que tu vas te mettre à écouter les paroles. Et les paroles sont extrêmement intéressantes, en fait. L'interprétation de toute la poésie qu'il utilise, il y en a tout un tas, en fait. Alors, des fois, d'ailleurs, si tu vas sur un... Si tu vas sur Internet, tu peux avoir tout un tas d'interprétations, tout un tas d'extrapolations, même, je dirais. Hein. Ouais. Ah, voilà, là, on se tait. Je peux pas bouger la tête parce que sinon ça fait sauter le casque, mais. Très moi, ça va, il est bien accroché, donc je peux bouger la tête. Ah, mais c'est une malédiction, c'est incroyable ça. Je connais personne qui puisse s'en échapper de ce truc-là. Ouais, et là, tu vois les gars qui bougent la tête dans le film de Wayne's World. Ouais. Peut-être que les personnes qui n'ont pas notre âge ne savent même pas de quoi on parle. Honte sur eux, s'ils n'ont jamais vu Wayne's World, tout de suite, vous y allez. Voilà. Il faut aller le voir, ce film. Et je pense que ça a aussi donné un petit coup de pouce pour faire connaître Queen à ceux qui ne connaissaient pas ça. Hein. Enfin, il est très spécial comme film, mais je pense qu'il n'y est pas pour rien non plus dans la notoriété qu'a repris Queen pour les générations qui ne l'ont pas connu. Enfin bref, voilà, bref. Hein. Alors tu dis Queen. Et oui. Non, moi j'ai toujours dit Queen, c'est bizarre. Queen. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, ouais, on s'en fout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Ouais, les paroles, en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant quand tu écoutes une musique, c'est que tu les interprètes à ta façon et tu te les accapares. Donc, finalement, ce qu'il a voulu dire, quelque part, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais ben, tu les adaptes à ce que toi t'as envie de leur faire dire. Donc c'est une spécial ça. Ouais, moi je fonctionne comme ça en tout cas, mais après ça chacun fait chacun fait comme il veut, oui ça. Voilà, chacun écoute la musique comme il veut, mais c'est une espèce de chanson qui raconte l'histoire d'un gars qui va un petit peu et tuer sa première personnalité pour pouvoir faire vivre enfin sa vraie personnalité ou sa deuxième personnalité. Enfin, après, on peut l'interpréter comme ça, mais ça peut être aussi autre chose. La façon dont il pourrait annoncer son coming out. Ouais, voilà. C'est... Ouais, donc il y a vraiment deux personnalités dans la chanson-là. Et puis... C'est super triste en même temps, hein, comme chanson. De toute manière, je crois que j'ai choisi en gros que des chansons comme ça un peu. Non, il y a du kitabas après. Oui. Et du kitabas, ça, j'appelle ça du kitabas. C'est, il verrait après. Ça n'empêche pas d'être triste, hein, tu sais. Non, c'est vrai. Par contre, j'ai autre chose de plus rigolo. D'accord. Parce que les Muppets ont fait une version de Bohemian Rhapsody qui est juste formidable. Je passerai la vidéo et je vous mettrai la vidéo en bonus. Elle est à tomber par terre. Est-ce que tu as autre chose à raconter ? Je connaissais pas. Ah, tu connais les Muppets ? Oui, non, mais je connaissais pas cette version, tu vois. Elle est très bien, tu vas voir. Je suis assez puriste quand même, moi. Dans... Tu vas voir. C'est très très con. Et puis bizarrement, c'est un reflet total de la personne qui écoute Bohemian Rhapsody. Ça peut être très calme au début et à un moment, ça va bouger la tête. C'est comme ça. Je sais pas trop exactement comment le situer, mais j'étais allée faire un voyage à Londres et du coup, c'était un petit peu près, à peu près, je pense, dans cette époque. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dessus, quoi. Et cette chanson, t'as suivi en fait. C'est ce qui t'a fait connaître Queen par la suite ou t'es reparti de ces chansons comme ça et au final t'as abandonné Queen ? Je l'ai jamais abandonné. Ah non, j'aime vraiment. Après j'ai continué parce que j'ai acheté le CD du guitariste. Je suis allée plus loin quoi. Enfin. Après, quand t'aimes, voilà, j'avais la VHS, et oui, on regardait des VHS, du super concert que j'ai, je pense, j'ai usé la bande, quoi. C'est Brian May, le guitariste ? Ouais. Tu es fan de Brian May ? Non, pas spécialement, mais c'est quand t'aimes un groupe, Des fois, tu vas un petit peu voir autour, quoi. C'est comme les Beatles. Ça va pas t'empêcher d'aller un petit peu écouter ce qu'il y a après la fin des Beatles. C'est pas forcément pour ça que tu vas aimer, mais c'est tout un ensemble, quoi. Tu vas jusqu'au bout. Alors, j'ai une question. Alors, c'est une question de mec. Hein. Alors, vas-y. Faut que m'explique. Qu'est-ce que vous trouvez à tous ces putains de guitaristes ? Il y en a marre. Non, mais les batteurs, c'est bien. Ah, aussi. Mais moi, j'aimais bien le guitariste. Mais. Bon sang, ah, non. C'est pas possible. Tu réécouteras ton enregistrement. J'ai dit au départ que j'étais amoureuse du batteur. Je le trouvais très mignon avec ses petits cheveux blonds comme ça, très courts. Ouais. Il s'appelle comment le batteur ? Bah, tu vois, je sais plus. Voilà, on est d'accord. Voilà. Mais par contre, ils ont tous plus ou moins participé à un moment donné à l'écriture des textes. Donc, il en a écrit aussi. Et là, j'espère que je suis pas en train de dire une connerie. Non. Oui, mais comme personne n'ira chercher, on s'en fout. Non, on s'en fout. C'est plus l'intérêt, c'est l'anecdote personnelle plutôt que la véracité. Ouais, j'adorais aussi les photos qui étaient mises dans les albums où on les voyait en train de faire le ménage déguisés en femmes. Et moi, j'avais. En fait, si tu veux, quand j'ai découvert et commencé à écouter ça, j'ai jamais percuté tout le côté homosexuel et tout ça. Enfin, pareil. C'était juste des personnages et je les trouvais géniaux, quoi, c'est tout. C'est après que j'ai compris tout ça, moi j'avais pas. Et puis apparemment Freddie Mercury jouait beaucoup avec ça, avec entre guillemets le côté très homosexuel, très flamboyant. Il jouait au niveau de ses costumes et tout. Ouais. La folie sur scène. Il avait des petits caleçons moulants et tout. Attends. Mais c'est vraiment le mec que tu vas apprécier, mais et que tu vas trouver forcément. Bah, pas super sexy, quoi. Vraiment pas du tout. Ouais. Il a vraiment une tête pas c'est très très. Qui ressortent devant. Ouais, c'est. Voilà. C'est spécial, quoi. Et moi, bon, bah, comme j'ai l'image du concert qui était ancrée dans ma mémoire, je le revois en train de toujours prendre le micro, décrocher le micro pour avoir juste que la tige et puis danser tout le temps. Enfin, il était à fond, quoi. C'est vraiment un personnage. C'est voilà. Et il avait fait des études d'art au départ, il me semble. Et je crois que c'est lui qui avait même dessiné le logo de son groupe. Voilà. C'était quelle chanson où justement ils sont costumés en gonzesse. C'était par exemple To Break Free. Je sais plus, c'est terrible. Si, c'est avant To Break Free. Voilà, j'ai le clip. Il fait le ménage, il a l'aspirateur dans les mains et tout. Ouais, exactement. Mais il joue c'est génial. Sur ses costumes, dans tous les clips, c'est vachement rigolo. Et puis après, tout le groupe s'y met aussi, de toute façon. Ouais, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est des groupes où c'est. Il y a de la recherche, quoi. Il y a vraiment un travail derrière. Voilà. Et t'aimes tout ou alors t'es plus avant la période synthétiseur ou après ? Ouais. Parce que 80, 85, c'est à peu près tous les synthétiseurs. L'apparition de Flash Gordon, par exemple, qui est très très électronique. Ouais, non. Je sais pas. Je saurais pas te dire comme ça, mais ouais. Non, c'est plus dans l'ensemble. C'est tout un ensemble, quoi. Il fallait que j'en choisisse une, et j'ai choisi celle-là. Mais j'aurais pu choisir plein d'autres, quoi. Et je choisis la plus longue. Non, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, peut-être que c'est pas mal de prendre la plus représentative. Après. Ah, il y avait We Will Rock You aussi, celle-là fait taper du pied. Bah hein. Ouais. Mais voilà, dans celle-là, tu as tous les styles. Voilà. Il y a cette diversité-là que tu retrouves pas ailleurs. Ouais, et c'est ça vraiment que j'aime. Qu'un artiste ait la faculté de pouvoir te faire écouter quelque chose d'autre. Je sais même pas s'ils ont fait une pièce de théâtre ou un opéra ou quelque chose. Donc, ils auraient pu, je pense. Bon, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, alors. Quand on y pense, 1, 2, 3. Je sais qu'il y a des... Il y a des super duos. Tu vois, il a un album où il est seul. C'est vraiment The Freddie Mercury Album. Et alors, je fais du bruit, je l'ouvre. Ah, tu l'as carrément sous les... Bah, attends, qu'à faire. Je me suis dit... Mais vas-y, fais du bruit. Dit, fais pas le con, que je me suis dit. Et, bon... Oh, c'est cool. Bon, bah, moi, j'ai les photos, mais voilà. Et du coup, sur l'album-là, ouais, tu retrouves des duos où c'est, ouais, c'est presque que de l'opéra, quoi. Mais comme t'aimes la personne, t'aimes ça. Mais ce mec a une voix et une façon de chanter qui est... Respect, quoi. Tu te tais, t'écoutes et t'apprécies. J'ai l'impression qu'il a chanté vraiment jusqu'au bout de sa vie. Il donnait tout, mais alors vraiment tout, absolument tout jusqu'au bout. Est-ce que c'est un petit peu ça qui a aussi forgé sa légende, on va dire? Bah, dis donc, tu me poses des drôles de questions. Tu te la poses à toi, la question, ou tu me la poses à moi, là? Ah non, je la pose à toi, puis à tout le monde. Ah bah alors, on laissera tout le monde répondre. Alors, je vais vous prendre tous un par un, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, inscrivez-vous, et puis on aura la réponse. Moi, t'as des drôles de mœurs, toi. Ah oui, un par un. On change d'artiste ou tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Je pense que là, on a quand même, on n'a pas fait le tour, mais je pense que c'est bon. Hein, oui. On va passer à la suite. On va avancer un petit peu. Donc c'est aussi gros retour en arrière, période de Flower Power ou un truc comme ça. De toute façon, je n'étais pas né. On n'écoutera pas Jimmy, mais un autre petit gars décédé l'année dernière, malheureusement, Joe Cocker avec With a Little Help from My Friends de 1969. Et c'est la version apparemment. Spécial. Ah oui, ah oui, oui. C'est la version de Woodstock de 69, sinon c'est pas la peine. Là, je vais faire ma puriste. Alors, pourquoi j'ai choisi la chanson-là? Ben, parce que déjà, c'est un grand monsieur. Hein. Joe Cocker, c'est vraiment un interprète qui s'approprie les chansons et qui arrive à en faire quelque chose. Pour moi, c'est des petits bijoux, quoi. Hein. Donc, c'est une reprise des Beatles. Ah bon? Non? Mais je sais pas. Alors ça, tu vois... Tu peux le laisser, mais tu vas vérifier avant de le. tu le coupes. Mes années coup de cœur. Ah, coup de cœur, pardon. Eh, mélange pas tout. Super série. Mais non, c'était nul. Mais c'est pas grave, on n'avait que ça à regarder, donc on regardait. Et comme il y avait de toute façon cette chanson pour, comme générique, la série était forcément bien. Voilà. Espèce d'extrémiste. Et. Il y avait un petit gamin, mais trop, trop mignon, qui racontait ses histoires de cœur au collège. Et c'était génial. Il y avait une voix off, un narrateur comme ça. Elle était super, cette série. Peut-être qu'elle a mal vieilli, mais c'était super, quoi. Et ouais, donc la version que je t'ai demandé, c'était la version Woodstock, parce que c'est vraiment une période que j'adore. Les années 70, encore plus que les années 90. Et tu vois, une espèce de période où moi j'avais toujours eu envie d'être née à ce moment-là, quoi. Je m'étais dit, ah mais non, je suis née trop tard, j'ai pas pu vivre ça, j'aurais tellement voulu vivre ça. J'en ai porté des robes à fleurs, oh mon Dieu. Avec les grandes lunettes très épaisses. Non, j'avais pas les lunettes, mais j'avais, ouais. C'était un savant mélange de mauvais goût. Oui, mais mais c'était Peace and Love, c'était tout le monde est comme ça, allez. Voilà, donc moi je m'étais un peu trompée d'époque. Mais j'assumais, hein, c'était pas un problème, hein, je me baladais comme ça. Et ouais, non, c'était rigolo. Ma maman me disait, tu montes pas dans la voiture si tu vas pas te changer avant. Tu viens pas avec nous habillé comme ça. Ok. Alors si vous étiez un homme à cette époque-là, c'était va te couper les cheveux. Bah ouais. Bon, alors voilà, c'est ça, ça symbolise un peu toute cette liberté, tout ça, c'est juste génial. Et la chanson, elle est magnifique. Et si on revoit des images de cette version-là, il la vit, quoi, la chanson, elle est... Ah, surtout sur scène, à cette époque-là. Voilà, elle est interprétée, c'est génial, quoi. Alors, pour ceux qui se demandent... voilà. Vas-y. Donc, on avait parlé des années... C'est les années coup de cœur, oui, c'est bien ça. Hum? Et donc, 88 à 93, pour les années coup de cœur, quand même, 5 ans. Et l'acteur principal, le petit gamin, il s'appelle Fred Savage. Et apparemment, il a fait des trucs bah, pas terribles, en fait, après. Mais hum, il a joué dans Austin Powers. Bon, bof, quoi. Enfin, il n'a pas fait grand-chose, malheureusement. Austin Powers, quoi, bof. Avec... ouais, voilà. Minimoi aime le chocolat. Non, bon. J'ai pas vu, mais okay. Ça doit venir. Bon, ben, ceux qui auront vu comprendront. Comprendront. Ceux qui n'auront pas vu ne comprendront pas. C'est allez pas voir Austin Powers si vous voulez. Si vous aimez les Anglais, ben, qui se pointent pas les dents. Alors, t'as vraiment eu ton époque Flower Power Oui, elle a pas duré longtemps. Mais. Elle a fait mal. Ça a fait mal, ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui l'a arrêté cette période ? Oui, on verra ça à la chanson d'après. C'est ce que je me disais aussi quand j'ai vu la suite. C'est bizarre. J'ai atterri. Je sais pas pourquoi, quand t'as parlé de l'enfance, de toutes les musiques que t'as découvertes et qu'on a parlé des années 90, j'ai vérifié toute la liste et ça correspondait exactement à cette époque-là. Donc je pense que... Oh, je me cherchais, mais n'empêche que même si je me cherchais dans le style, la musique était quand même une bonne trouvaille parce que c'est voilà. Et j'ai hésité, figure-toi, parce que j'avais un petit peu envie d'aller sur Simon & Garfunkel, puis je me suis dit non, je vais pas lui faire ça. Alors, si tu voulais passer du Simon & Garfunkel, il y a aucun problème, c'est ta playlist. Oh, non, titre. Mais il fallait que je choisisse. Bois, pas plus d'un titre. Non, il fallait que je choisisse. Je suis complètement fan d'eux et. Mais comme Fox, c'est Fox, hein, il en avait. Il y a Fox, ouais. Il y a Nesclépios, et je crois qu'il y a aussi Musica. Il y a un groupe qui a voilà. Une coalition. Donc, je les rejoins parfaitement, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Ah ouais, non, mais c'est. Voilà. Là-dessus, je les rejoins, mais à 200%. Alors. Autant vous prévenir, je me suis fait arnaquer. Apparemment, il y a un groupe qui est en train de se former pour faire un épisode spécial Simon & Garfunkel. Donc, apparemment, tu seras invité avec Asclepios, avec Musica et Fox. Il ne faut pas que je sois là. Ah, oh, je veux, mais oui. Oh mon Dieu. Et tu as continué si tu veux de Joe Cocker après ? Ou c'était vraiment oui. Ta période non, jusqu'au bout. Le fleur. Ah non. Même si j'avais laissé tomber les fleurs, ouais, j'ai tout le temps écouté, j'ai tout le temps adoré. Tu avais aussi j'écoute la musique. Je suis désolée, ça me. Alors, 10 minutes 45, il y a encore une minute. Ouais. Alors, peut-être que tu connais une série télévisée. Vas-y. Ah, une série télé des années 70, mais bien sûr, les 70 Show, tu vas me parler de ça ? Ah, voilà, exactement. Ah, mais j'ai évidemment, vu j'y pense. Toutes les saisons, quoi, et les bonus et tout, quoi. J'adore. Et t'as vraiment tout vu ? Ah oui, j'ai tout vu. Je crois que c'est la première série que j'ai matée en entier. Et j'avais déjà vu pas mal d'épisodes dans tous les sens, parce que c'est pas dans l'ordre souvent quand tu les mates à la télé. Et là, je les ai. Le soir, c'était compliqué. Ouais, je me les suis tous refaits. Il y a huit saisons. Ah, mais c'est formidable cette série. Ouais, c'est ça. C'est formidable. Je sais pas comment ils ont fait pour tourner ça à cette époque. Je sais plus que c'est quelle actrice qu'en fait qui avait menti sur son CV. Elle était plus jeune, elle avait pas 18 ans, je sais plus quoi. Et je crois que c'est Mila Kunis, je suis pas sûr. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, c'est une série de fous quand même quand on y pense. Ah ouais, ouais, non, c'est vraiment génial, quoi. Et ouais, non, bah. J'allais partir sur le squat dans le garage avec les copains, oui, tout voilà. Ça, donc bon, bah voilà. Hein. Bah exactement, on tombe dedans. Hein. C'était bien ça, nous on avait ça. Hein. Un squat dans le garage, les copains, c'était génial. Mais toi, par contre... Tu étais sociable. Ah, j'étais... Comment dire j'étais une ado... très sociable, ouais, très entourée, oui, mais très très seule. Si tu veux, ouais, au niveau de la famille, au niveau de tout ce noyau-là, j'étais très très très seule. Et du coup, peut-être que je contrebalançais tout ça avec beaucoup de monde autour de moi, mais c'était du coup des potes, quoi. C'est peut-être l'époque aussi où on se cherche beaucoup, alors. Cette époque-là. Ah ouais, peut-être bien. Peut-être bien, mais c'était bien. Ah, je dis pas le contraire. Et moi, voilà, quoi, mes parents étaient jamais là, donc j'étais beaucoup, beaucoup toute seule, beaucoup à devoir m'occuper de la petite sœur, un petit peu, du petit frère, beaucoup, beaucoup. Donc, un petit peu l'impression d'être une maman avant l'heure. C'est pour ça que je parlais... C'est pour ça, ça me fait penser à la première chanson. Ouais, voilà. Ben moi, pendant que mes copains, ils allaient se lever à l'arrache pour prendre le bus, ben moi, j'avais droit déjà à donner un biberon, changer les couches, faire des trucs comme ça qui font que ben t'as ta période où à l'âge là, t'as envie de faire autre chose et c'est cramé, quoi. T'as raté ta période. Oh, non, c'est nul. Trop pas, fous-moi la paix. Non, je vais dormir. Non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Donc ouais, obligé d'être autonome et adulte très très très très tôt. Et ouais, mais pas de regrets. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu grandis vite. Français, non, mais je suis bloqué sur le 70s show, moi, c'est terrible. Non, mais c'était génial, c'était l'époque de Hendrix, voilà, des choses comme ça, les Who, il y avait quoi, il y avait Janis Joplin, c'était, voilà, j'ose pas dire des vrais artistes, parce qu'il y en a encore, mais j'avais l'impression qu'il y en avait plus avant. Alors, c'est mon côté vieux, c'était mieux avant, tu vois. C'est con, mais... Non, tu n'es pas c'était un vieux peu ça. Alors, oh, techniquement, si. Faudrait l'adapter, tu es une vieille conne. Mais après, ça va se transformer en insulte et ça ne va pas le faire. Ouais, c'est pas joli. Hein. Un vieux con, ça va. Une vieille conne, ça ne sonne pas pareil. Alors, tout de suite, on a envie de dire une vieille connasse. Et là, du coup, ça perd tout son sens. Ouais, c'est bizarre. On va rester sur c'était mieux avant. C'est bien. Oui, c'est bien aussi, oui. Alors apparemment, il y a eu un spin-off de cette 70s show qui s'appelait That 80s Show dans les années 80, et ça n'a pas du tout marché. Ah ouais, j'en ai même pas entendu parler, quoi. Mais par contre, ceux qui aiment le 70s Show, je vous conseille vraiment les tout derniers épisodes et la partie bonus, où tu retrouves tous les acteurs qui sont dans leur... je sais pas comment on appelle ça, ils avaient un petit salon, un petit truc à côté du plateau de tournage, où... Il raconte un petit peu la façon dont ils vivent la série, et puis on les voit vraiment comme ils sont eux. Et ça, c'est super intéressant quand t'as envie d'un petit peu de voir les coulisses, voir tout ça, quoi. Tu vois comment c'est tourné. Oui, comment c'est tourné. Toutes les grosses séries à succès, ça se fait dans les dernières saisons. Alors, retrouver les acteurs. Je crois qu'ils avaient fait ça pour Malcolm, ils avaient fait ça, je sais, pour Marier deux enfants. Oui, bon. Ah Marie si, non, mais Marier deux enfants, c'est génial. Love and Marriage. Non, je ne vais pas chanter là. Non. Mais moi, j'adorais. Il y a un moment où dans la série, et ça m'a vraiment marqué, les deux gamins doivent aller faire un examen dentaire. Et les parents sont tellement crevards et ils ont pas envie de se faire chier avec ça. Ils les mettent sur le canapé, ils prennent la lampe torche, ils regardent dans leur bouche et ils font « c'est bon, tout va bien » et ils signent les papiers du docteur. Voilà. ça m'avait marqué. Non, mais c'est la famille, quoi. Ouais. C'est le père. C'est les Bundy. Voilà. C'est les Bundy, il faut pas chercher. La Dodge de Al Bundy et le nid barbare, et j'adorais ça, quoi. Le nomam, c'est terrible. On dérive, je crois. Ouais. Ben, tu feras comme tu voudras, tu couperas tout ça. Non, non, je vais garder, c'est très très bien. Ben, on va ravancer dans le temps. Alors, on vous parle des années 90, de la période lycée, des gens qui se cherchent. Ben là, on va secouer la tête, on va lancer des l'air guitare tout partout. Et c'est parti pour Killing in the Name de Rage Against the Machine en 1991. Voilà, là, je me suis trouvée, en fait. Ah, mais faut mettre le son. Monte le son. Tu la sens, les cheveux un peu en vrac, la veste en cuir, peut-être un ou deux piercings. Moi, peut-être bien la vieille clope, les piercings non, les cheveux en vrac, noir quoi. J'ai enlevé mes robes à fleurs et j'ai trouvé mes gilets. Ou ta mère, elle les raccommodait discrètement quand t'étais pas là. Tu crois que c'est des trucs pour avec la tête qui bouge. C'est ça. C'est terrible, hein, ces chansons-là. Bon alors, comment tu l'as connue, l'époque, tout ça? Là, c'est vraiment l'époque où, le squat dans les garages des copains, où tu commences à écouter ça. Et moi, ça me convenait bien, en fait. Toute la musique où les gens gueulent, où c'est super agressif, j'adore. Pour un peu que ce soit un petit peu vulgaire, ça me va encore mieux, tu vois. C'était vraiment l'époque. Oui, c'était ça. Mais alors par contre, ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. C'est toujours ce que j'aime écouter. Ce qui correspond pas forcément à l'image que je renvoie ou à l'image que les gens se font de moi, mais c'est ça, c'est de la musique que j'aime. C'est pas du Johnny, quoi. Ah. No comment. Et puis un petit peu de guitare saturée après, ah là là. Voilà, faut qu'il crie. Qui crie, ouais. Ça se tient, ouais. Eh, j'y avais jamais pensé. Et du coup, tu vois, ça faisait un moment que je l'avais pas écouté. Et c'est ce qui m'est venu le premier en tête quand j'ai voulu faire ma playlist. Et du coup, j'ai envie de te dire un grand merci, Barberousse, parce que je me suis remis le CD dans la voiture et je l'ai écouté toute la semaine. Ah, comment avoir l'air absolument épanoui au boulot. Dégagez, me faites pas chier. Non. Alors, tu vois, voilà, pareil, c'est des groupes que tu découvres parce que t'aimes le son qu'ils font, t'aimes l'ambiance que ça dégage. Et puis, tu as le texte qui arrive après. Je pense que tu viens pas d'abord écouter ça pour le texte, donc on soit bien d'accord. Je pense qu'en plus, il y a la moitié des personnes qui écoutent même pas, qui savent même pas traduire les paroles. On peut aimer sans comprendre ce qui se dit. Et du coup, quand ça fait du bruit, je pense que ça va au ouais, départ. Voilà. J'aime que le hard soit juste à la limite où je peux encore comprendre les mots. Après, quand je peux plus comprendre les mots, j'ai plus de mal. Et il faut absolument que tu comprennes quand même. Ah, j'aime encore bien quoi. J'aime encore bien savoir ce que je crie. C'est un concept. Je suis désolée. Hein, il y a une étape au-dessus, donc je suis pas à l'étape au-dessus, moi. Parce que je suis gentille, en fait. Ah, parce voilà, que un petit système of a down, ça marche aussi. Ben ouais, mais ça me correspond moins. Et du coup, ça c'est un groupe qui a une idéologie politique, quoi. Je vais pas dire qu'ils sont militants, mais voilà, ils sont revendicateurs de plein de choses. On dit ça? Ça se dit ce que je viens de dire? Je sais pas. voilà, c'est bon. Après, tu vas me dire, c'est facile quand c'est facile, je dirais, de s'engager, d'être antifasciste, d'être contre la censure, contre le capitalisme ou des trucs comme ça. Mais bon, ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de le crier de temps en temps. Voilà. Et j'ai hésité, en fait. Ça, c'est je crois que c'est dans les premiers titres de l'album, mais le tout dernier qui s'appelle, le titre s'appelle Freedom. Freedom. J'ai vraiment hésité parce que je l'aime bien aussi, mais bon, fallait choisir. Voilà. Et j'aime bien parce qu'à la fin, ils disent plein de gros mots et que c'était génial de crier tous ces gros mots. Bah ouais, écoute. Anticonformiste. On avait l'âge d'aimer ça, quoi. Non, c'est pas vrai, ça m'est resté, en fait. C'est vraiment une époque où on se cherchait, on a trouvé des musiques comme ça. Ouais, non, c'était bien. Et j'écoutais pas mal d'autres groupes, mais à cette époque-là, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas le cloud, on n'avait pas toutes ces petites choses et ces magiques clés USB où on pouvait transporter notre musique et la télécharger. Donc, il nous fallait, on n'avait pas le choix, un support et un CD. Alors, on transportait nos CD à chaque fois qu'on avait une fête à faire. Parce que attention, ça va avec, bien sûr. Tu vas passer pour une vieille en disant ça. Oh, c'est pas grave. Mais je m'en fous, tu peux pas t'imaginer. Donc, on écoutait aussi tout ce qui était... Alors, que je dise pas de conneries, je vais chercher dans mes souvenirs. Attends, j'ouvre un tiroir. Il y avait les Smashing Pumpkins, il y avait Offspring, que je n'ai jamais réussi, ouais. Que j'ai jamais réussi à prononcer, mais c'est pas grave. Radiohead ou pas, je ne sais pas. C'était après, hein. Ouais. Il y avait Asdes et enfin tout Asdes. ACDC et avec tous ces trucs là. Pirate-meux. Et tous ces trucs là, en fait, j'ai plus aucun CD de tout ça. Je pense que les CD là ont fait tellement de fêtes que de toute manière ils étaient morts, ils étaient inécoutables, rayés, même parfois fondus. J'ai fait fondre des CD trop près du feu. Et voilà. Et les Redge, c'est le seul qui a survécu à cette époque. Ou alors c'est le seul que t'as acheté parce que tout le monde copiait les CD de tout le monde. Non, on copiait. Ouais, on avait des cassettes, ouais. On pouvait copier les cassettes. Mais non, je pense plutôt que c'est le CD que tout le monde s'était acheté. Donc du coup, j'étais peut-être pas obligée de l'amener. Ah, donc, ouais. Oui, dis-moi. C'est pour ça que je te parlais de System of a Down, c'est Still This Album. Il y en a dans le System of a Down, un CD où il y a juste, c'est imité de, c'est une copie des CD vierges avec juste écrit dessus Still This Album. Ça, je l'ai vu partout. Eh ben voilà, bah, pas chez moi. Moi, tu vois, j'ai raté un truc finalement. Non mais vous étiez différents chez vous, c'est pas pareil, c'est dingue. Ouais, on n'était pas constitués de manière normale peut-être, je ne sais pas. Non, c'est parce que t'étais avec des filles. Moi, je traînais avec des garçons. C'était pas pareil. Les filles, est-ce que tu crois Est-ce que tu crois vraiment ce que tu viens de dire, là? Absolument. Ah bon, pas d'accord. Ouais, c'était tout à fait le genre de fête qu'on faisait où il y avait plein de meufs, tu vois. C'était génial. Puis de la clope et de la bière partout. Voilà, donc j'étais toute seule. Avec que les copains. En général, j'étais toute seule. C'était très, très, très rare que... Mais, tu sais, c'est aussi une époque où les filles étaient quand même... n'avaient pas forcément le droit de sortir aussi facilement que ça. Enfin, si, mais fallait être rentrée tôt, tu vois. Ouais, tu sors, mais t'es là à 22h. Et quand t'as tes copines qui, finalement, sont... Comme je sais qu'elles écouteront pas, je peux le dire, c'est des boulets, quoi. Il faut qu'elles soient rentrées, enfin, voilà. Et comme moi, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Ce qui n'est pas bien, hein, dans l'éducation des enfants, faut pas faire ça. Mais après, j'avais... Faut reposer les jeans, c'est chiant. J'avais une liberté, on va dire, pas absolue, mais pas loin. Et c'est moins marrant, en fait, hein. Quand t'as le droit de tout faire, t'as pas envie de faire de conneries, finalement, parce que, voilà. C'est mieux quand c'est interdit. Comme j'avais pas grand-chose d'interdit, bah je n'ai pas fait énormément de conneries, tu vois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, voilà. C'était le collège et le lycée et la fête tout le temps. Avec les copains qui avaient le droit de sortir. Voilà. Et mes parents me disaient rien. Parce que du moment que j'avais des notes qui, des bonnes notes qui suivaient, je remplissais ma part du contrat. Ils sont très, très. Mon père est un peu un vieux 68 heures, tu vois. Donc, liberté, et puis tu fais ce que tu veux, mais t'assumes. Hein, voilà. Alors que finalement, comment dire, c'est ce qui t'a aussi formé. Avec ce petit côté un peu, entre guillemets, subversif, des gros mots de partout, et toute cette époque. Ah bah oui, c'est forcément, clairement, ce qui a fait que je suis comme je suis. C'est sûr. Mais c'est pas pour ça que... Ouais. C'est pas pour ça que tu fais des énormes conneries. Non, je... J'avais pas besoin de me cacher, j'avais pas besoin de faire les coups en douce, j'avais pas besoin de faire le mur, j'avais pas besoin de me planquer pour rentrer ou quoi. Donc finalement, tu vois, quand tu... Regarde, je vais prendre un exemple tout simple. Quand t'as tes parents qui t'autorisent une fois dans l'année, par exemple, à sortir, mais c'est la soirée de ta vie, quoi. Et quand t'as le droit de sortir absolument tout le temps, ça n'a pas le même goût, hein. Ouais, bon, bah, c'est une soirée, quoi. C'est tout. Enfin, et si la soirée, elle te fait chier à 11h, bah, tu rentres chez toi. Mais tu t'en fous, puisque le lendemain, si la soirée est bonne, tu pourras ne pas rentrer. Tu vois? Donc, c'est différent. C'est, voilà. J'étais pas forcément très appréciée, d'ailleurs, par les mamans de mes copines. Hein. T'es l'élément perturbateur. Voilà, quoi. Mais bon. Tu as gardé ce côté un peu rebelle. Bon, je sais pas. Par des jeans moins troués, je suppose. Oui, quand même. Quand même, j'aurais l'air con, là, maintenant, avec ça. Enfin, faut suivre les tendances, quand même, non? Oh mon Dieu, non, pas la mode. Si. Bah si, quand même, on va parler de mode. D'ailleurs, ça tombe bien, tiens, on va parler de trucs de filles. Parce que la chanson qui suit, si tu les as mis dans l'ordre, t'as vu, c'est moi, hein, oui, qui enchaîne. Hein. Je fais si parce veux, que je vois que tu traînes un peu sur les trucs. Alors, Je peux enchaîner. Hein, je prends les choses en main. Encore des choses à dire. Non, mais tu vois, je pourrais m'attarder sur plein de choses là, vos trucs de guitare saturée, des cordes, des basses, mais j'y connais rien, donc je me suis dit c'est pas la peine de t'attarder là-dessus. Tu vas dire plein de conneries. Après, je pense pas que la musique ce soit forcément quelque chose qui soit apprécié que par les gens qui ont l'oreille musicale, l'oreille absolue. Voilà quoi. Moi, je ne sais pas faire. On ne juge pas dans la playlist. Si tu n'as pas les mots pour ta guitare saturée, voilà. Comme moi, c'est la guitare qui fait oui. Ouais. Au moment, c'est classe. Voilà. Ça marche très bien. Et ben voilà, ça marche très bien. Et voilà. Et en fait, je pense que voilà, la musique, c'est vraiment une question de feeling. Et puis heureusement qu'il n'y a pas que les musiciens qui savent apprécier la musique. Donc. Sinon, on vendrait beaucoup moins d'albums. Ouais. Donc après, alors, on passe à des trucs de filles parce que c'est pas forcément des musiques que je vais écouter beaucoup, où je vais pas faire ma groupie ou quoi, mais quand même, il fallait que je mette un petit peu de filles dedans. Alors attends, là je reprends la main parce que attends deux minutes, faut pas déconner, c'est mon podcast, c'est pas le tien dont on parlera plus tard. Donc on va se calmer un petit peu, on va aller en 1995, alors attends, bientôt la fin 2000, la fin de l'école, tout ça, sur l'album Tragic Kingdom, sur lequel on peut retrouver un tube de No Doubt Don't Speak. Un petit peu. Oh non. Alors, générique d'une série, ça. J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, j'aime bien les filles qui chante fort, qui gueule un peu, qui s'affirme. Et du coup, il y a tout un groupe de nanas qui chantent comme ça que j'adore. Là, voilà. Et c'est pas la plus rock de ses chansons, mais c'est une qu'on entend souvent. En plus, dans le clip, elle est super jolie. Enfin, c'est voilà, elle est quand même super jolie cette fille. Gwen Stefani, oui, ouais. C'est vrai que le nom me revient. Oui, Gwen Stefani. Elle chante aussi I'm Just a Girl. Enfin, je peux pas la chanter oui. En ayant la musique de l'autre dans les oreilles, mais elle dégage une certaine énergie et en même temps un truc qui fait que voilà, j'aime bien. Et c'est rare que j'aime bien les femmes qui chantent. Ça rejoint les groupes qui sont dans ce style-là. Il me semble, je vais pas dire de conneries, il me semble qu'il y a Evanescence. Ouais. Ah bon ? Ou non ? Je dis une connerie ? Il y a une nana qui chante, oui, mais je vois pas j'aime... trop le lien. Bon, bah tu couperas ça. J'étais pas sûre. Bon, enfin bref. Dans le même style, tu as Pink, que j'aime bien aussi, un petit peu, voilà. Un peu grande gueule comme ça, j'aime bien. Et j'aime bien aussi Gossip, qui est pas vieux, qui est beaucoup moins vieux, en fait. Que j'aurais pu choisir aussi, mais bon, voilà, je me suis arrêtée sur elle. C'est marrant parce que moi j'associe No Doubt Don't Speak à Big Soul. Brancher la guitare. Ah ouais? Ouais. Brio, je sais pas, pourtant même époque, 95, Nana qui chante avec un peu de rock derrière, c'est bizarre. Il y en avait, il y avait qui chantait aussi comme ça. Oh non, c'est peut-être plus vieux, il y avait Dolly ou un truc comme ça, mais c'était plus vieux. Hein. Ah, c'est français ça. Ouais. Ouais, c'est français. Bon, enfin voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein. La musique. Dolly, c'est un groupe de rock français originaire de Nantes, c'est des Bretons, non ! Oui, j'aime pas les Bretons, c'est pas grave. Eh ben, c'était pas mal ça, hein. Voilà. Non, c'est des Bretons. Bonjour à eux. Il ne veut pas rester sage, oui, c'est vrai. Ah non. Bah, si, c'était mignon ce. Des Bretons. Ok, d'accord. Moi, j'ai rien contre la Bretagne. Je serai intraitable. C'est super loin, mais on partage le même fuseau horaire. À plat. Malheureusement. Ouais. J'aime beaucoup la Bretagne. Alors, bon, voilà, c'est bon, on a écouté. On va pas s'attarder plus, non ? Je sais pas. À moins que tu aies envie de l'écouter jusqu'au bout. Non, j'avais rien de spécial de plus à ajouter. C'est juste parce que j'avais envie de faire un clin d'œil féminin dans ma playlist. Alors comme ça, 4 ans après Rage Against the Machine, tu passes de ouais. À un truc un peu plus gentil, comme ça du premier coup. Ouais, c'est... Bah ouais. Humeur changeante à l'époque. Ou c'est vraiment un truc qui t'avait plu sur le moment, et puis au final, ça s'est resté... Peut-être dans la vague du girl power, ou je sais pas trop. Ouais, quoi, voilà, après c'est pas forcément des groupes que tu suis comme ça, mais... Ouais, voilà, c'était ma touche féminine. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite touche féminine dans le truc. Maintenant, vous pouvez souffler, la touche féminine est passée, on va retourner vers les trucs de poil de barbu. Enfin, je sais pas, parce que je connais pas celui d'après. Ils sont pas je pense pas qu'ils soient trop poilus, je pense pas qu'ils soient trop barbus. Ils sont un peu plus français aussi, ouais. Un peu plus récents. C'est fauve, ouais. Je connais pas. Un peu plus dépressif aussi. Ah, d'accord. C'est parce qu'on va passer de 1995 à 2014. Attention, ouais, parce on tape que dans du récent. Ouais, je me suis dit, on va pas quand même que rester dans le passé, quoi. Hein. Je suis pas bloquée dans c'était mieux avant. J'écoute aussi des choses un petit peu plus actuelles. Donc on va écouter Fauve sur l'album Vieux Frères avec deux ce. Alors on se tait et on écoute les paroles. C'est très important. C'est ça qui est important dans ce groupe d'artistes. Mon émission, bon sang. Ok, je me tais. Peut-être tu nous as vraiment trouvé les versions intégrales à chaque fois, quoi. Les versions longues. Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas. Des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Oui. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux... Je peux pas tout laisser non plus. Nous sommes de ceux... Pour parler dessus. Ah, oh, d'accord. Si, c'est obligé. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. C'est un groupe qui... C'est pas vraiment un groupe de musique. À proprement dit, c'est tout un collectif d'artistes. Et tu vas retrouver des auteurs et en même temps, ça, il va y avoir des vidéastes, des... voilà, c'est tout un groupement que tu retrouves et ils ont comme nom Fauve. Hein, c'est un collectif, comme ils appellent ça. Leur symbole, c'est un dièse. C'est un... Oui, si, c'est ça. Ben, c'est le symbole différent. Ouais, voilà, c'est le symbole différent quand tu fais des maths. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non. Et c'est clairement des musiciens et c'est clairement des textes qui sont tristes à mourir. C'est clair. Oui, les pleureuses donc. Mais c'est... Oups, pardon. Mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, c'est des chansons que je trouve assez exutoires. Quand t'as besoin de vider ton sac, eh bien, je trouve que quand t'as une... Quand tu peux utiliser une chanson qui ont des paroles qui te correspondent bien, ben, je trouve que c'est sympa de les chanter comme ça. Enfin, voilà, c'est exutoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est la musique défoulatoire quand t'as... en fait, j'ai envie d'écouter et de me taire. Bah, si tu veux, on peut arrêter et puis on continue à parler. Après, mais, trop longtemps, non, ils sont très souvent en colère dans leurs chansons. Ça monte crescendo tout le temps. Et celle-là de chanson, celle-là de chanson, en fait, elle exprime un petit peu tout ce qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui aimerait bien faire son trou, mais il a pas tout ce qu'il faut, quoi. Il a pas toutes les armes, et puis du coup, bah, ils vont chier plus que les autres, quoi. On sera jamais rationnel avec ce type de lascar. Faut composer avec. Il y en a des bien pires, hein. Et ça, j'aime bien aussi le côté parler. Beaucoup de la chanson est parler plus que d'être chantée. Les sonorités, elles sont pas forcément agréables. Tu vois, ça peut être bizarre de dire ça, mais il y a des fois c'est rugueux à l'oreille. Il y a des fois c'est agressif. C'est même un petit peu aigu. Voilà, ça, c'est de la musique, ça rappe, j'ai envie de dire. Tu vois. Et moi, la première fois que je les ai entendus, je sais plus exactement où je les ai entendus. C'était il y a pas forcément très longtemps. Hein, il y a peut-être un an ou deux. Je me suis dit, oh, c'est quoi? Mais j'adore là ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce que c'est? Vite, il me le faut. Voilà. Bon, c'est mon vraiment coup de foudre coup complet. De cœur, quoi. Ah non, pas coup de cœur, coup de foudre complet quoi. Je les adore. Et donc voilà. Alors ça, c'est ma musique du matin. Les réveils en juin. Ah ouais, non, c'est pas au réveil, j'écoute pas de musique quand je me réveille, mais c'est sur le chemin du boulot ou des choses comme ça. Et on chante un bon coup dans la voiture et bon, on pleure un peu aussi. J'aime encore bien pleurer le matin, tu vois, avant de partir. J'ai des restes j'ai des restes des mauvais moments. Et puis voilà, c'est exutoire, ça fait du bien. Ça peut paraître bizarre, hein, mais ça fait du bien ce genre de truc. C'est hein. Bizarre les filles en général, donc t'inquiète pas, je vois le package, je comprends. Et je suis certaine que c'est pas un truc que de filles. Tu sais, des fois, t'as juste besoin d'aller... Non, t'as pas juste besoin, mais... c'est... comme si t'avais... Cathartique. Cathartique, bah, tu m'expliques, qu'est-ce que t'entends par ça ? Par là. C'est la musique qui va te faire sortir quelque chose de toi. Ouais. Oui, voilà. Et c'est pas sale. Non. Bah non. Non, ça fait du bien. Et puis des fois, t'as juste envie d'aller mal et t'as envie juste de dire aux gens, hey, foutez-moi la paix. De toute manière, personne ne peut comprendre, ce qui est complètement con de le dire, mais je le sais. Et donc du coup, laissez-moi aller mal, ok? Je vide mon sac, je vais peut-être pleurer. Bon, allez, jusque vers 10-11 heures. Et puis après, ça ira mieux. Non, là, j'exagère. Les filles, c'est bizarre, je vous l'avais dit. Je ne sais pas comment ils font pour se vider avec d'autant d'eau à la fois. Ah, il faut boire beaucoup. Non, mais voilà, c'est des... Je pense que les gens qui chantent ça sont dépressifs. Et du coup, moi, j'aime bien écouter. C'est complètement con. T'aimes bien écouter des gens qui vont mal. Non, mais c'est pareil que quand t'as une espèce de rupture amoureuse et que tu te mets à écouter que des chansons tristes à mourir sur des histoires d'amour qui finissent mal et que t'as juste envie d'aller mal. On dirait que quand tu vas mal, t'as envie d'écouter encore des trucs qui te font aller encore plus mal, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Fauve, c'est bien. Quelles chansons qui font mal, vas-y, raconte-moi. Non, pas tout de suite. Non, puis j'ai pas de chansons d'amour qui vont mal, quoi. Ça va bien. Bientôt un hors-série de la playlist avec que des chansons tristes qui rendent les gens dépressifs. Ça pourrait être très très sympa le samedi soir. Alors je parlais de pleureuse. Ouais. À moins que tu aies encore quelque chose à ajouter. Quand tu dis pleureuse, à qui est-ce que tu penses? Et ben justement à l'artiste d'après, parce que ça tombe très bien, on continue avec la France, cette fois-ci de 2002 avec du Damien qui n'est pas jeune et con, mais qui est fils de France. Ouais. Pour permettre à mes enfants, t'as pris aussi la version de voir des vaches. J'ai pris la première. T'as bien fait. Au lieu de voir des arabes. Oh sinon, mais on peut parler sur lui, ça n'a pas d'importance, on en a rien à foutre. Moi ça me gêne pas. Quoi si c'est. Mais pour moi ce mec là c'est la génération. J'ai vu les larmes. Ah oui. C'est pénible. Non. Les nouvelles ce matin. 20% pour l'horreur. Bon bah salut, je me casse. Pour la peur. Alors 16, fils de France 2002. Pourquoi tout ça? Conscience. Pourquoi je sais pas si beaucoup de personnes la connaissent en fait cette chanson. Ce qu'on connaît beaucoup de lui, c'est « Jeune et con », puisqu'on est jeune et con. Hein. Mais la chanson-là, en fait, j'avais envie de la choisir parce que c'est une chanson qui a été écrite le lendemain des élections de... je ne sais plus la date. Mais bon. Alors, je dirais 2002, mais je ne sais pas qui. Bon, bref. Je vais chercher sur Wikipédia. Le Pen avait fait 20%. Le Front National avait fait 20%. Et après. Voilà, la musique démarre. Ah, c'était Jacques Chirac. Ouais. La musique démarre là. Ceux qui ne comprennent pas, Kryn aime beaucoup la musique et il faut absolument qu'elle écoute tout jusqu'au bout pour pouvoir parler après. C'est une chanson qui est complètement engagée, qui est complètement politique. Alors, je trouvais qu'elle était bien, bien appropriée et bienvenue en ce moment. Quand au moment-là, il a écrit la chanson, donc comme je disais, c'était le lendemain du résultat des élections où le Front National avait fait un score qui n'avait jamais été aussi haut. Du coup, on est tous allés voter comme des cons, Chirac, parce qu'il fallait bien contrecarrer le truc. Enfin, je dis « on », mais je parle pour moi, quoi. Je pense que j'étais pas la seule dans ce cas, parce que je crois que Chirac, à ce moment-là, avait fait 80%. Hein, c'est un score de dictateur africain, c'est formidable. Et du coup, tu vois, j'aime bien cette chanson, parce que moi, j'étais dans ce cas-là. En fait, le lendemain, j'avais honte. Quand tu vois le Front National qui fait 20%, t'as honte de faire partie de... Ouais, t'as un petit peu honte de faire partie d'un pays qui est capable de ça, quoi. Et je l'ai choisi parce que je vais paraître un petit peu... aigri. Non, je sais pas. Enfin bon, bref, je vois, il y a rien qui, il y a rien qui change. Je suis tellement fier de toi. Ah, parce qu'il y a rien qui change et qu'il y a rien qui changera. Et là, je pourrais, voilà quoi, un peu désabusé. Alors on va dire à la place de ça. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Dimanche dernier, on a voté. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il n'y a pas de changement quoi. Tu peux gueuler autant que tu veux, ça, c'est. On se demande, moi je me demande toujours à quel moment les gens prennent conscience de ce qu'ils font, des incidences de ce qu'ils font. Alors là, ben, enfin voilà quoi, tout le monde a compris que quand j'entends Front National, j'ai des boutons qui poussent partout. Mais après ça, c'est personnel. Après, tu m'as pas dit qu'on n'avait pas le droit de parler de politique. Donc après, si je commence à parler de textes engagés, forcément. Je suis. Si tu parles de tes engagés, tu parles de ce que tu veux. Voilà. Tu garderas ce que tu voudras. Et tu m'as demandé de choisir la playlist il y a déjà quand même quelques temps. Donc en fait, cette chanson, je l'ai choisie avant. Il y a quoi? Il y a 10-15 jours, même largement. Donc je savais en fait qu'elle serait appropriée, même avant de savoir comment allait se dérouler C'est finalement ces élections, c'est régional, que je trouve triste à mourir, quoi. Et tu serais presque plus efficace qu'Elisabeth Tessier. Pourquoi? Parce qu'elle a fait dans l'astrologie, ah. la merde. Et ouais. Pardon, je dénonce. Ouais, bon après non, je sais pas, il y avait pas un truc, il y avait pas un espèce de côté prévisible à tout ça. Ça c'est mon oui, avis, c'est mon avis, quoi. Je me perds dans ce que je veux dire parce que j'essaye de... Je peux imiter la pleureuse si tu veux. Non, j'essaye de dire quelque chose un peu, je veux dire, un peu passe-partout, quoi. Je veux pas dire trop de bêtises. Bah, si tu veux, je peux mettre un jingle Miss France. Non, dire, j'ai envie d'être sérieuse. C'est trop mal. Non, j'ai envie d'être sérieuse. Donc non. Mais voilà, bon bref, tout ce que je voulais dire c'est que j'aime bien ces chanteurs qui prennent la parole sur des choses intéressantes. Après je pense pas forcément qu'une chanson fasse avancer les choses, mais de temps en temps ça fait pas de mal de l'ouvrir. Et quand ils chantent ça, je me dis que c'est triste qu'on puisse encore le chanter maintenant, tu vois-tu? Et que c'est pas nouveau, parce que je me souviens qu'il y avait déjà des chansons qui reprenaient ce genre de thème où on entendait Les Berruriers Noirs par exemple, je ne sais pas si tu connais. Oui, la jeunesse, etc. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc je me dis qu'il n'y a rien qui change en fait. Voilà, ça c'est mon côté. Tu sais, vieux Les Berruriers Noirs. Mais je suis vieille. Non, mais je cherche, vite fait. Oui, vas-y, si tu veux. Alors, là, il faut que tu comprennes. Pas de souci. Parce que tu as beaucoup de comme ça. Oui. Parce que c'est troisième déjà titre de musique française. Tu écoutes beaucoup de musique française? Pas forcément française, mais j'aime quand les paroles, elles ont un sens. Donc, voilà, Trust, un petit peu antisocial, choses comme ça que j'aimais beaucoup, même si je ne donne pas l'impression. J'ai l'impression, les gens ont toujours l'impression que je suis quelqu'un de très, très douce, gentille, tolérante et à l'écoute. Mais quand même, j'aime bien toute cette musique un peu revendicatrice et voilà. Alors, la jeunesse emmerde le Front National, Berruriers Noirs, 89. Eh ben, merde. Ouais, tu vois, c'est là que je te dis que c'est triste. 89. On est en 2015. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et c'est même pas le vrai sujet du Front National qui me dérange le plus. C'est mon côté un peu féministe. Où je me dis, putain, merde, mesdames, sérieux, vous pouvez pas voter pour ça. On est des femmes, on peut pas. C'est pas possible, quoi. Est-ce que vous savez une seconde ce que ça implique pour une femme, pour nos libertés? Mais bon, voilà. Ouais, voilà, c'est tout. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. C'est comme ça. Putain, merde, mesdames, réveillez-vous, quoi. Alors, du coup, voilà. Bonne ambiance. Ah, bonne ambiance, tu veux voilà. autre chose à rajouter ? J'ai hésité avec Noir Désir un petit peu quand même, hein, parce que j'aime beaucoup. Ah, mais... oui, je le disais aussi. Non, mais je me suis dit, on va rester dans le... On va rester un... Les pleureuses. Ouais, voilà. Bon, allez, hop. Ah. Faut savoir quand même que le dernier album de l'artiste qu'on vient de citer, là, il s'appelait J'accuse, qui avait une super photo de pochette qui a été sur son album, qui a été censuré. Parce que il voulait nous défendre, nous les femmes, mais c'est pas passé, ça a été mal compris et du coup, c'est un peu. Voilà. C'était quoi C'était une femme dévêtue dans un caddie de supermarché qui prenait une pose super sexy. Et c'était clairement pour dénoncer notre soumission à toute la partie un peu voilà notre addiction à la consommation et puis la façon dont la femme est matérialisée, je dirais, et bon, bref, voilà. Mais c'était avant ou après les mannequins vivants dans les je sais plus. C'était il y a pas longtemps. Quelle ancienne parisienne. Oh, écoute, je ne sais pas, je ne saurais pas trop te dire. Je suis pas forcément quelqu'un d'engagé et féministe, parce que des fois, elles me font un petit peu peur, toutes ces dames. Mais j'aime bien qu'on se laisse pas faire, quoi. Et du coup, il y a des choses comme ça où je trouve que c'est intéressant de souligner. Les personnes qui s'engagent. Voilà. Mais là, c'est... Est-ce qu'on peut aller vers un petit peu de ouais. douceur ? Et surtout de douceur féminine, mais c'est pas stéréotypé du tout. Alors, oui, vas-y, tu peux mettre un peu de douceur. Merci. Non, mais je, si je peux passer, et tu on pleure dis, pas. Sinon, tu veux autre non, chose. Non, non, non, c'est bien. Ah, non, d'accord. C'est bien. Et puis, peut-être que je parle trop, et puis peut-être qu'en plus, quand je parle trop, je dis des conneries, c'est pas forcément très intéressant. Donc, vas-y. Je ne couperai rien, je m'en fous. Donc, on va lâcher les pleureuses et autres bourrinades détesterai. Destructrices de nuque, je sais. Pour retrouver le monde du froid avec The Frozen World d'Emily Simon sur la bande originale de La Marche de l'Empereur en 2005. Ça, c'est de la musique qu'il faut écouter en fermant les yeux. Non, parce que là, il y a peut-être des gens qui roulent, donc vous allez attendre un petit peu. Cette fille a une voix qui est clairement magique. Elle est française. Elle est quand même, il faut le savoir, auteur, compositeur, interprète et productrice, de ce qu'elle fait. Et elle a des choses qui sont... Enfin, c'est son monde à elle, quoi. Alors, c'est très souvent électro. Et c'est joli. Je trouve ça vraiment joli. C'est... Je trouve un petit côté... comment ça s'appelle ? Et elle est... Island Björk. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc je pense que ça fait partie de ses premières inspirations. Et Björk, c'est génial aussi. Hein. Et là, tu vois, j'aime la personne avant la femme. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est une femme, donc déjà je vais la mettre en avant. Quoi ? Chut ! C'est une femme, donc je vais la mettre en avant. Non, pas du tout, c'est vrai, voilà. C'est une artiste. Bon, bah, en l'occurrence, c'est une femme, mais... Sa voix est juste magnifique. Ses compositions sont magnifiques aussi. Et je l'ai découvert en voyant le film de La Marche de l'Empereur avec les petits pingouins et la neige. Et c'est parce que voilà, j'adore ce film. Et je pense que la BO du film fait partie des raisons pour lesquelles j'adore ce film. Bon, il y a aussi le fait que j'adore la neige et que c'est ma saison préférée. Donc du coup, voilà. And of the planet. J'ai un petit penchant qui s'est fait plus pour ce film, mais sinon, hormis ça, elle a composé énormément de choses, je trouve, en tout cas. Donc, elle a fait pas mal d'albums. Quand tu vas voir ces clips sur YouTube, c'est tout un monde plein de poésie, mais c'est pas cucu, quoi. C'est beau. Alors on se tait, on écoute. Bienvenue dans Une fille, une playlist. Je ne suis juste que monteur sur cette émission. Oui, c'est joli, mais comment tu l'as reconnu ? À cause de la marche de l'empereur ? Oui, c'est ça. J'ai vu le film et je suis tombée amoureuse de la musique, vraiment. Elle a fait pas mal de buts. Ah oui, oui, mais c'est survivre avec les. Oui, lions. Ouais. C'est vraiment, vraiment. C'est très. Est-ce qu'on peut dire onirique? Je ne sais pas. Oui. Et puis de savoir que tout vient d'elle, c'est. Tu as vraiment t'as vraiment le sentiment d'avoir la personne entière quand elle chante et quand la musique, elle va très très bien avec elle. Et voilà, c'est tout, tu l'as tout entière quand tu l'écoutes. Et puis à la voir, elle a ce petit visage très extrêmement choupinot. Oui! On a envie de la mettre dans un elle coin. Elle est toute jolie. Puis, elle est. Mettre sous une couette et puis voilà, tu bouges pas, je te ramène un thé. Ouais, puis... elle est toute jolie, elle est toute mignonne, elle est toute jeune parce qu'elle a mon âge. Faites le calcul vous-même. Alors, moi j'ai 37 ans. Et puis, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Elle a un univers qui est le sien. Même si on n'adhère pas, on peut pas dire que c'est pas beau, quoi. Mais vraiment, vraiment, visuellement, ces clips sont top. Et puis bon, là, on a entendu un extrait d'une chanson qui est pleine de douceur, mais elle a des choses qui sont parfois un petit peu plus, je dirais un petit peu plus dynamique ou un peu moins doux, quoi. Hein. Mais il faut aller. Un exemple. Non, j'ai pas les titres en tête, en fait. Je suis désolée. Il y a un truc avec des papillons partout. il y a un truc avec de la glace où elle est. Non, et je suis désolée, j'avais pas prévu cette question. Et. Moi, j'ai un truc, apparemment, c'est The Flower Book, donc peut-être des papillons dedans ou alors Végétal 2006, juste après. Non, pas du tout. Ah, je peux pas te dire, je sais pas. Alors, Wikipédia me parle de contrôleur MIDI et de traitement du temps réel, donc je pense que Kenton serait très content. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est une artiste, une vraie. Si tu veux, on peut parler de synthé aussi. Tu veux ? Non, c'était moi, une blague. Jean-Michel Jarre, alors. Non, c'était une blague, j'y connais rien. Bah, j'ai lu des trucs sur Wikipédia quand j'ai tapé Queen et j'ai trouvé ça super intéressant, mais je me suis dit je vais pas parler de ça, c'est absolument, je suis pas c'est pas que je suis pas crédible, mais mais tu parles de ce que tu veux. Oh, pardon, j'allais dire non mais laisse-moi t'expliquer, laisse-moi parler, non, c'est bon. Oh, Karine, dis, t'arrêtes de prendre la parole tout le temps. Qu'est-ce que je disais, c'est une fille, une playlist. Alors il faut savoir que Queen a enregistré ce Bohemian Rhapsody sur un truc de 24 pistes quand même, et qui se sont repris à plusieurs fois, et non je déconne, je fais ça de tête, alors ça se trouve c'est pas ça les chiffres, mais je ne remonterai pas le truc de Queen, moment de Queen, pour revenir en arrière à la question. C'est ce genre de chanson qui est absolument pas reproductrice, qu'on ne peut pas reproduire en concert. Reproduisible, j'allais dire, je pense. C'était bon comme mot, non hein? Reproductible, copiable, ouais. Refaisable. Ouais. On ne peut pas la refaire en concert. Ouais. Donc voilà, Émilie Simon, vous allez écouter Émilie Simon, vous tapez Émilie Simon sur YouTube parce que c'est quelqu'un dont il ne faut pas négliger le visuel, ses clips sont top. Voilà. Une autre question, oui. tu vas de temps en temps à des concerts ? Alors, très rarement, parce que je suis, j'en ai fait quelques-uns, je suis souvent déçue. Parce que je fais partie des gens qui écoutent de la musique de façon boulimique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le CD, je le mets dans ma voiture. Je l'écoute jusqu'à overdose. En boucle, ça peut durer une semaine, mais ça peut durer un mois. Et tant que je ne connais pas par cœur, je ne suis pas encore gavée du truc. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma crise de boulimie et que j'ai mon overdose, je le range et en général, je ne le ressors plus. Et donc, ce que j'ai en tête, c'est une réplique absolue du titre que j'ai entendu sur le CD. Du coup, souvent, si je ne serait-ce que d'écouter une version concert ou de voilà, je me retrouve mal dedans. Mais c'est bête. Hein, ça devrait être. Je sais, il y a beaucoup qui pensent et qui trouvent que en concert, en live, c'est 100 fois mieux. Mais moi, je m'y retrouve pas bien. C'est une monomanie du premier instant de la musique. Ouais. Les autres versions n'existent pas pour toi. Enfin, Elles existent, elles ont une valeur, mais à l'oreille, c'est comme si il y avait un truc différent. Alors après, faudrait que j'aille au concert et qu'ensuite je me fasse la version concert en boucle, de la même façon, tu vois, jusqu'à l'intégrer et qu'elle passe par-dessus celle que j'avais intégrée lors de la première écoute. Tu demandes à refaire le concert en boucle pendant 15 jours. C'est ça. Alors, l'artiste va pas être très content. Mais ou alors il faut que à la base j'ai eu la version concert. Donc c'est vraiment la première version. Ouais, c'est ça. C'est celle-là qui me reste tout le temps en tête. Pas forcément la studio entre guillemets clean et propre. Non. Sans les gens qui hurlent ouais être. Non bien. non, pas forcément. Je vais dire, je consomme la musique à un point où quand la piste arrive à la fin, je sais d'avance la suivante. Enfin, je les ai même dans l'ordre, en fait, tu vois. Oui, tu connais ta partition par cœur. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, je consomme la musique de façon boulimique. Ah non, boulimie, à mon sens, ce serait sans retenue. Ah, là, juste, tu les connais par cœur. Ouais. C'est péjoratif. Ce que je dis, c'est quasiment une manie. C'est comme si, entre guillemets, bien sûr, tu te crées un toc, mais une empreinte mémoire bien précise de ce que tu aimais à un moment. Mm. Parce que c'est très attaché à ce moment-là. Ouais. Et tu interprètes aussi les paroles comme ça ? Alors, parce que je veux dire, attends voir. Depuis le départ, c'est que les paroles étaient très très importantes. Est-ce que je me suis jamais posé cette question. Est-ce que j'interprète les paroles de cette façon-là ? Comment ça ? Alors, comment tu vois ça ? Parce que vu comme tu poses la question, t'as une idée de ce que tu dis. Parce que là, moi, je... Alors, au départ, j'avais une idée, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un double sens. Donc, je vais te donner le deuxième sens parce qu'il me paraît un peu plus intéressant. Ah. Quand tu connais bien la chanson, quasiment, on va dire par cœur. Est-ce que quand tu la rechantes, tu la rechantes à l'identique ? Bon, ah oui. Nonobstant les défauts de voix ou alors la non-voix, etc. Mais pile poil au bon moment, sans dépasser, bien carré sur le rythme, etc. Non, mais bien sûr que non. Moi, je suis toujours en avance sur le couplet. Je suis toujours en avance. Je chante beaucoup plus vite que... Ah oui. Non. Ah non. Ah non. Bah non. T'es un peu en. J'y arrive pas. Ça. En attente de la suite. Ah bah oui. Ah oui. Bah, je sais pas si ça débouche sur la conclusion de quelque chose je pour t'en toi, prie, mais. Tu as un divan juste à côté, tu vas pouvoir t'allonger. Nous allons parler de. Bref. Non, c'est marrant. Je vais plus vite que la musique. J'ai l'impression que tu vas plus vite que la musique, mais tu n'attends pas qu'elle te rattrape. Tu n'as même pas envie qu'elle te rattrape, tu veux être juste un peu en avant pour pouvoir savourer le moment et être sûr que tu le connais. C'est cette impression que j'ai. Ah oui, pour dire vous avez vu, je viens de dire la phrase juste avant. Non, ça veut dire que je la connais. Mais non, mais peut-être à toi-même. Juste parce que... Alors, je chante comme ça quand je suis seule. Et quand je suis avec du monde et que je chante comme ça, en général, j'entends vite un « Mais tu vas fermer ta gueule !» Voilà. Mais sinon, quand, l'autre sens d'interpréter... Oui, vas-y. Est-ce que ça t'arrive, comme tu nous avais dit pour... Non, c'était pas Joe Cocker, c'était soit Killing the Name, toutes sortes de chansons-là, de réécouter les paroles, de changer d'interprétation de comment tu le comprends au fil du temps. Est-ce que, par exemple, Killing the Name, alors en le réécoutant, tu as compris des choses différentes? Ah alors, ça t'a juste ramené non, à cette époque-là. Mais c'est obligé. Ta perception du texte évolue forcément avec toi. Tu peux pas avoir la réflexion que tu as quand tu écoutes ça quand tu as 14 ans. C'est pas possible que tu aies la même que maintenant quand tu l'écoutes. C'est logique, non? Je vais prendre un exemple. Rien à voir avec quelque chose de musical, mais un gamin à qui tu racontes une histoire avec un loup et tout ça, enfin, il va absolument pas la percevoir de la même façon que toi quand tu lis ça que t'as 20 ou 30 ans, où tu dis putain mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Le gamin voit pas du tout ça de la même façon. Et ben une chanson pour moi c'est pareil. Quand tu l'écoutes à 14 ans, il y a quelques mots, il y a quelques phrases qui vont te parler d'une certaine façon parce que à l'âge là tu penses comme ça ou alors t'as pas encore la maturité de comprendre tout ce que tu dois comprendre du texte. Ou peut-être même que t'as même pas la maturité de chercher ce qui veut se dire. Voilà. Ça fera 50€, on se revoit la semaine prochaine. Bon, on va terminer avec le dernier titre. Enfin, l'avant-avant-dernier titre, en fait. Ouais, parce que je... Qui bouge un petit peu plus. Oui, vas-y. Non, je te laisse parler. Non, mais de toute façon, j'ai renommé l'épisode Une fille, une playlist. Donc, tu peux y aller si tu veux. Hein, c'est... Tu sais, j'allais l'amener, j'allais le présenter, j'allais... C'est terrible de laisser quelqu'un d'autre présenter. Hein, c'est dur, hein. Et le pire, c'est que quand j'ai commencé, j'étais vraiment très, très, très intimidée. Et je me suis dit, oh là là, je vais me faire manger toute crue par Barberousse. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'ose pas parler. Ça me stressait de venir discuter de musique. En plus, il n'y a pas du tout mon domaine. Alors, voilà. Enfin, toi, ça veut dire que je me sens bien, là, d'un coup, quand je veux prendre toute la place. Mais si c'est pas ton domaine, pourquoi t'es venue? Ah non, c'est toi qui m'as invitée. Oui, mais t'aurais pu dire non. C'est quelque chose que j'ai du mal de faire pour certaines choses. Ah. Et je ne vais pas me rasseoir sur le divan. Donc, on est en train de parler de l'avant-dernière chanson. Voilà, des États-Unis, 1960, quoi quelques années avant Woodstock en plus. Pour retrouver 5 Jackson qui n'en feront bientôt plus qu'un sur l'album Diana Ross Presents, c'est I Want You Back des Jackson 5. Pourquoi ça? Parce que j'avais envie de terminer sur une note gay. Et je trouve que c'est une chanson super entraînante, super gay, que tout le monde connaît. Et quand tu mets ça pour rigoler en fin de soirée, et ben tout le monde chante et tout le monde danse. C'est super disco, super entraînant. Et en plus, j'adore les Jackson 5, encore plus que Michael Jackson. Ah oui. Et, ah ouais, ouais. Quand même. Oui. c'est quand même le King of Pop. Le mec, c'était une révolution. Eh ben ouais. Oui, bah, j'aime les deux, mais j'ai une petite tendance à préférer la période enfantine. Ça veut pas dire que j'aime pas le reste, hein. Sinon, j'aurais pas choisi ça. Alors, j'ai juste deux secondes, je te recoupe. C'est, je me suis planté, c'est 1969, pas 60 la sortie. M'en fous, j'étais pas née quand même. Ça change rien. Enfin, si, ça change. Bref. Donc, ça bouge, c'est joyeux. Et tu préfères des Jackson 5 aux Jackson tout seul? Ouais, une petite préférence. Mais bon, après, si Michael Jackson passe, je me régale toujours de l'écouter, bien sûr. Je parie que tu danses encore là-dessus. Pas en voiture, mais presque. Ah oui, je danse en voiture aussi. Ah, mais c'est ça qui est pratique en voiture. On peut être ridicule, on s'en fout. Ouais, ben en même temps, les gens, on les emmerde. Hein. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Oui. Enfin, je sais pas en voiture. Alors, comment t'as connu comme ça Jackson 5? Ouais. Michael Jackson, je l'ai connu dans le clip Bad? Non. Bad ou... Lequel? Ça raconte quoi le clip? Thriller? Bad? Je pense que c'était d'abord Thriller. Je pense que j'ai déjà vu celui-là quand j'étais quand c'est sorti, quand j'étais toute gamine. Que j'avais trouvé génialissime. Même si j'avais pas tout compris, je pense. Et puis, moi, mon histoire avec Michael Jackson, parce que oui, j'ai eu une histoire avec Michael Jackson. En fait, j'ai une histoire avec à peu près tout ce que, toute la musique que j'écoute. Je vais vous raconter. Alors. Alors, pousse-toi sur le divan et raconte-nous l'histoire de cette musique. C'est une belle histoire. Alors, pour moi, c'est une belle histoire. Il était une fois. Te mettre non. Une musique dans le fond, ça va pas le faire. Mets-moi une musique de Noël si tu veux, parce que ça, je vais te parler de Noël. En plus, on y arrive, donc c'est cool. C'est une période que j'aime bien. Mais par contre, il faut que je la cherche, donc laisse-moi juste 10 secondes. Non, alors, je continue à parler. Après. Alors, en fait, c'est tout simple. J'avais un petit peu vu Michael Jackson par-ci, par-là. Quoi. J'avais pas forcément encore bien compris qui était le personnage et tout ce qu'il avait fait. Et il y avait une rétrospective le soir de Noël, la nuit du 24 au 25 sur M6. Où il faisait, je pense que c'est bien passé pendant 4 ou 5 heures, où il y avait l'intégralité des clips de Michael Jackson. Oui, je m'en souviens de ça. Voilà. Et donc, comme j'ai dit tout au début, voilà, moi j'ai eu des parents qui travaillaient tellement que ils n'avaient pas trop le temps d'être trop présents. Donc Noël s'était vite expédié. Une petite bouffe, on ouvre les cadeaux, salut, bonne nuit, allez hop, tout le monde au lit, demain on va travailler. C'est voilà. Et du coup, mon petit frère avait reçu un train électrique Lego avec le moteur, les rails et tout, un truc énorme. Et tout le monde allait se coucher, il était, je sais pas, super tôt, quoi, genre 10-11 heures. Et ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Ah, et tout le monde est allé au lit et j'ai fait, oh, un train Lego, je vais passer la nuit dessus et je vais lui faire le plaisir que le petit se réveille demain matin, parce qu'en plus il était bien trop petit pour avoir ça, c'était presque du gaspillage que d'offrir ça à un petit comme ça. Donc je me suis fait le plaisir de construire ça et j'y ai mis toute la nuit. Et j'ai regardé tous les clips de Michael Jackson toute la nuit et qu'en même temps, j'ai enregistré sur plusieurs cassettes. Voilà. Et du coup, moi, perso, j'ai passé une super nuit de Noël. Ça peut paraître triste comme ça, hein, mais moi, j'ai passé une super nuit de Noël et j'ai construit un super train Lego avec la batterie et tout le bordel. Et tu as vidé les piles ? C'était surtout pour la construction en fait, hein. Ben, comme beaucoup de personnes qui jouent avec les Lego, j'imagine c'est surtout la construction. Après, une fois qu'il est construit, t'as moins envie, quoi. Ah, la petite musique de Noël. C'était la belle histoire de Noël de Kikrine. Ouais. J'espère que ton frère n'écoutera jamais ça, sinon il va t'en vouloir à mort. Mais non, pourquoi? Le lendemain, il a joué avec son train et il n'avait pas l'âge de le construire, donc il était content que quelqu'un lui ait fait. Et mon frère, ah ouais, je l'adore. Et si un jour il écoute ça, il était véritablement content que quelqu'un ait ouvert ses cadeaux avant lui. Mais bien. Ah ouais. Ah non. Bah j'ai oublié un détail important. Hein. Nous, on n'ouvre pas nos cadeaux le 25 en fait. Hein. On mange, on ouvre nos cadeaux et on va au lit. D'accord. Ah ouais, c'est vite expédié. Non, j'ai cru que tu étais puniment de raclure, mais non. Jamais de la vie. Non. Ouais, on fait tout le 24. Et puis maintenant, c'est encore pire. On ouvre les cadeaux et après, on mange. C'est vraiment vite torché, quoi. Allez, hop. Oh, c'est optimisé, hein. Comme ouais, voilà. Et mais j'adore toujours Noël. Et j'adore les Legos aussi. Offrez donc, des Legos à mon fils. De Noël où tu as pu regarder tous les clips de Michael Jackson. Et c'est là que tu es tombé sur Jackson 5. C'est là que j'ai découvert vraiment toute la panoplie de Michael Jackson et c'est là que je suis allée voir plus loin et que j'ai découvert les Jackson 5 et tout et j'ai acheté le double CD, voilà. Et je suis restée accro. Alors c'est marrant, je ne le savais pas, apparemment, donc, comme je le dis, c'est tiré d'un album, je vais le reprendre. Anthologie. Diana Ross présente. Mais oui, Diana Ross quoi. Et bien sûr. Comment et ça se fait Alors, parce qu'en fait, alors je vais le faire de tête, mais quand les Jackson 5 ont débuté, est-ce qu'ils faisaient la première partie ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle les avait un petit peu pris sous ses ailes et c'était elle qui les présentait avant qu'ils chantent. Donc elle disait, voilà. Donc je pense qu'ils faisaient un genre de première partie ou un genre de truc comme ça avant Diana Ross. Et j'écoute aussi Diana Ross qui est génial aussi, mais voilà, on peut pas tout mettre dans la playlist. C'est au moins la deuxième citation de Diana Ross avec Simon & Garfunkel, ça commence à faire beaucoup, ouais. Je pense qu'on est en train de retrouver une grande ligne de beaucoup d'artistes. C'est parce que les gens que t'invites ont beaucoup de goût, peut-être. C'est parce que je t'ai invité, bien sûr, en toute modestie, tu touches pas mes cadeaux de Noël. Non. Mais je les rends après. Oui, bien sûr. Je les monte et je les rends. Monté avec plus de piles. Oui, bien sûr. Oui. Non, j'ai dû tester le train pour voir s'il marchait. C'est tout. Je ne l'ai pas fait tourner toute la nuit. Je l'ai monté toute la nuit. C'est tout. Oui, il faut un temps fou pour faire ces choses-là, tu le sais. Je suis sûre que tu joues au Lego. Oh là là. Je suis sûre. Et je joue encore au Lego. Traître. C'est traître. C'est petit. C'est petit. Ah ben, pourquoi il n'y a pas de mal à ça? Non, mais les cadeaux de Noël, c'est sacré. On laisse ça aux petits frères. Et moi, je suis un grand frère, j'ai le droit de jouer au morceau de mes petits frères, je comprends tout à fait, mais ça se fait pas, même si c'est bien de le faire. Juste pour les faire chier, c'est chiant, les petits frères. Mon petit frère, c'est un amour. Voilà. T'es une fille, c'est pas pareil. Ouais, et puis il faut quand même rappeler que j'ai changé ses couches. Oui, alors, donc c'est complètement différent. C'est un autre rapport avec son. C'est un autre rapport qui est plus que simplement fraternel. C'est terrible, oui. Parce que là, on va passer sur le titre de la honte. Hmm? Tu parles de couches, ça tombe très bien. Ah oui. Transition 3000. Ouais, et j'ai trouvé quelque chose que vraiment, vraiment. Je me suis dit, est-ce que je peux. Oh, si, je pouvais avoir bien plus honte que ça, mais. Ah, celui-là, il est pas mal quand même. Alors, la tradition fait que je ne dois pas dire le titre. Quel est le titre? Ça vient d'où? C'est quoi? Alors, c'est une parodie de Chantal Goya. Et c'est les Inconnus qui chantent. Oh, on la connaît tous, celle-là. Oui. Je me suis trop penchée au-dessus des vies d'ordures et je suis tombée dans un étrange pays. Voilà, donc le pays de la poubelle magique. Avec tous les animaux de la poubelle magique, version Chantal Goya des Inconnus. Il faut les aimer aussi. Ah, c'est terrible. La déchéance d'une femme. Pendant une heure et demie, tu avais des goûts musicaux formidables. Et là, je viens de me cramer. Complètement. Non, et c'est le but. Ouais, mais j'aurais pu me cramer bien plus que ça. J'ai... J'écoute. Alors, il faut savoir quand même que les Inconnus, en faisant leurs sketchs, et ont fait aussi donc ces parodies musicales de plein de choses, sortaient également des cassettes. de leurs chansons. Donc on pouvait acheter les cassettes comme on achetait un album de musique où on avait toutes les cassettes, toutes les musiques de leurs chansons de merde. Et ça marchait bien. Et on les achetait. Donc voilà pourquoi. Je me souviendrai toute ma vie des paroles de Vice Versa. Ah oui, bah c'est pas forcément ma préférée, tu vois. Mais Chantal Goya, là, c'est quelque chose que qu'on chante, qu'on chante et qu'on danse. Et je connais toutes les paroles par cœur. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Mais il faut quand même que la soirée soit bien bien commencée, quand même. Hein. Oui, il faut quand même bien attaquer le coup d'un poire, hein, parce que c'est à peu près ça. Et quand j'y pense, je viens de regarder sur Wikipédia, Chantal Goya, 73 ans. Mais merde, elle a chanté des chansons pour quasiment 4 générations. Hein ? Mais est-ce qu'elle ne faisait pas encore des concerts il y a très peu de temps où les gens de notre génération qui ont la tranche 30-40 ans allaient la voir ? Crois, ouais. Hein, il me semble. Hein. Remonte sur scène, 73 ans, 2015, octobre 2015, ouais. Ouais, ouais, moi je. Ah bah moi cher, je la revois, petit panda de Chine, je sais plus quoi là. Non, elle va revenir à partir du samedi 10 janvier 2016, au Théâtre de Paris. Oh merde. Comme elle a pas assez cotisé pour sa retraite, elle est obligée de bosser jusqu'à la fin. Ah, ça je sais pas. <C'est>... Ah bah, c'est moi non plus. Ah oui, c'est dingue. Bah écoute, je pense que ça doit maintenir en vie. Ouais, moi je pense, c'est un peu comme BHL. Elle aspire la vie des enfants. Oh. Ça s'appelle comment dans Harry Potter les trucs je sais plus. Il faut faire un pas trop dur pour les dégager. Les détraqueurs, je crois. Je suis sûr Chantal Goya, c'est un détraqueur. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Je n'ai jamais vu Harry Potter, mais faut pas le dire. Parce que faut pas le voir, faut le lire. Et en français. Oh, putain, faut que je lise ça. La version est nulle. Oh non. Bon, bah en fait, c'est prévu parce que j'ai perdu un pari. Alors, t'aurais pu dire. Je dois regarder ça, quoi. Non, voilà, c'est ça. Mais quoi ? Ah, mais non, je viens de comprendre. J'avais pas tout suivi, quoi. Ouais, finalement, je m'en sors bien avec Harry Potter. C'est pas les pires. J'ai fait regarder un film très particulier, enfin non pas un, trois, long, que ma copine n'a pas su apprécier. Et du coup, en retour, elle m'a promis de me faire regarder les Harry Potter pour se venger. Alors, j'ai envie de voir ça. Tu vas prendre le canapé, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces soirées bizarres entre filles où vous faites regarder des longs films. Vous faites pas ça entre mecs ? Non, assez peu. Ou alors c'est seulement sur des films de merde qui sont très très nuls. Et ça devient très Ah très oui, drôle. Des nanars. Oui, voilà. Ah oui. Alors ça, des fois on fait. Mais non, non, moi je viens avec un film en disant il faut absolument avoir vu ça si tu veux avoir une vraie culture. Et. C'est quoi les films ? Du coup, ça marche pas tout le temps. Ça marche pour moi, mais pas tout le temps. Qu'est-ce que c'était ? Bon, alors, hein, le premier, c'était Stalker. Donc, d'accord, j'admets que c'est long, mais voilà. Je pense que si tu veux avoir une culture SF, il faut l'avoir vu. L'autre, c'était quoi Mais à chaque fois, je tombe sur des films qui durent 3 heures, quoi. Et elle me déteste. Mais c'est parce qu'elle comprend pas qu'en fait, c'est juste parce que j'ai envie de passer du temps avec elle. Elle devrait se sentir flattée. Apocalypse Now, c'est bien Apocalypse Now. Waouh. Alors après un film Stalker de je sais pas combien, 163 minutes, quasiment 3 heures, c'est peut-être un petit peu hard là. Bah pas après, non, on fait ça, non, non, c'est plusieurs fois d'affilée, c'est pas tout la même soirée quoi. Hein. Non, ah. non, entre temps on se fait des soirées Game of Thrones où on regarde. On fait des trucs joyeux entre temps parce que. Non. Je regarde pas de trucs joyeux avec elle. Coucou parcimonie si tu nous écoutes d'ailleurs, ma pauvre. Non, je me fais pas des soirées grises. Je me fais pas des soirées. oh, par contre, si tu je me suis bébé fait dans un coin. Si Et je me suis fait une soirée. Oh ah, si, c'était obligé. Parce que j'ai sorti cette phrase et une autre copine d'une autre soirée, d'une autre... Enfin bref, comme je t'ai dit, je suis toujours très, très entourée. J'ai dit, mais on laisse pas bébé toute seule dans un coin. Et elle m'a regardée et elle ne connaissait pas. Je dis, c'est pas possible. Une femme normalement constituée de ton âge ne peut pas ne pas connaître ça. Et on est parti là-dessus. Alors, nos hommes nous ont un peu détestés. Ça a fini avec, de l'argile. Bien sûr, oui. Non, ouais. Et Ghost, bien sûr. Et un squelette, mais, bien sûr. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'était bon. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce film, sérieusement? C'est pas possible. Eh ben, je pense que c'est pareil. Il faut que ce soit entre la poire et le... Voilà. Entre la poire et le dessert. Patrick Swayze, tu ne me manques pas. Mais tu manques à d'autres. Tu n'y connais rien. Donc c'est tout. Garçon. C'est tout, ouais. Je suis un garçon. C'est ça. Tu n'y connais rien. Ce sera peut-être le mot de la fin, puisque ta playlist est terminée. Alors, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que alors j'en déjà, ai... Est-ce que c'était une torture à faire? Non. Quand je dis torture, c'est créer la playlist en elle-même. Faire la sélection des titres. Ah, non. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis dit, ah, bon, allez, c'est bon, j'ai une demi-heure à tuer, là, on est dimanche, je vais le faire. Donc, c'est pas vrai, ça prend pas une demi-heure. Ça prend plutôt genre 2 voire 3 heures parce que j'avais envie. Dès l'instant que j'avais une chanson, j'ai eu envie d'aller la voir et après qu'il t'emmène à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'ai dit allez, stop. Tu poses tout ça, c'est bon. Tu prends une feuille, tu les notes de tête sans aller chercher plus loin parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, j'ai mis tout ça. Après. Pourquoi ça n'a pas été une torture? C'est simplement parce que je me suis dit, je m'en fous, celle que j'aime bien et que je ne pourrais pas mettre là, chez Barberousse. Je peux très bien, moi, si j'ai envie, les mettre dans mon podcast. Donc voilà, ce n'est pas une torture parce que je peux les mettre ailleurs. Tu comprends? Donc désolée. Donc ce n'a pas été une torture, je suis extrêmement déçue. Bah oui, oui, je vois ça. Hein. Apparemment, tu es bien après... la première. Après, après, je me suis dit, vite, je l'envoie avant de changer d'avis. Et une fois que je te l'ai envoyé, là, bon, d'accord, j'avoue, un petit peu, ça m'a pas torturé, mais ça m'a démangé. Je fais, ah merde, j'aurais dû mettre ça. Oh, j'aurais plutôt dû choisir celle-là. Ah, mais j'aurais voulu dire ça. Ah non, voilà. Donc, c'était après la torture. Il y a eu quand même un peu de torture. Ah, je suis rassurée. Mais pas pour l'affaire. Après. Zut. Pour les regrets. J'ai, ah, ça c'était bien aussi, ça c'était bien aussi. Donc moi je te propose. Non. C'est fini. Non, c'est t'as fait ta playlist. Je rappelle le principe, c'est que tu n'auras qu'une seule playlist, c'est que celle-là. Tu ne reviendras pas en deuxième semaine pour faire 10 autres titres. Tu n'as que cela, bon sang. Alors sinon, je peux me créer un autre personnage. Mais tu le saurais peut-être pas. Et puis voilà. Oui, qui va s'appeler Kick Ryan, Emily Simon, et bien sûr, oui. Non. Non, mais bon, voilà. Non, c'est bien, ça m'a fait super plaisir parce que vraiment, vraiment, j'ai passé un très bon moment à rechercher tous ces titres parce que ça m'a fait replonger dans tous mes souvenirs. Bon et moins bon, mais des souvenirs. Des souvenirs, c'est toujours intéressant à creuser. À part ça, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Parce que voilà, tu fais plein de choses. Tu où est-ce qu'on peut me retrouver? J'ai envie de dire... dans ton cul. Pour faire... Je connais quelqu'un qui peut donner cette réponse. C'était un petit clin d'œil pour elle. On me retrouve sur Twitter, à @kikrine. Et puis voilà, ceux qui ont envie de m'écouter, ils m'entendent sur Une fille, un podcast. Et puis même ceux qui ont envie de venir discuter avec moi, ils pourront bientôt. On va faire ça. J'aimerais bien essayer d'avoir pas que des podcasteurs qui viennent discuter de podcast avec moi. Ça serait bien. Tu risques d'avoir un très gros problème, c'est que les gens n'ont pas de micro. Eh bien, je leur dirais. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Non. Démerdez-vous. Moi, je me suis bien démerdée. Hein. Alors, si j'ai réussi à le faire, c'est que ça doit se faire. C'est possible, voilà. Mais tout se fait quand on veut. Je n'en doute pas une seule seconde. C'est une question d'organisation. Alors, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu connais Sting déjà ? Bien sûr. Englishman in New York. Bien sûr. Dans Englishman in New York, il y a un son un peu bizarre. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. J'appelle ça le ou-whoop. Hmm ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça te fait penser à quoi le ou-whoop ? On dirait Aha. Attends. C'est quoi que tu veux comme réponse ? Ce à quoi ça me fait penser ou ce à quoi ça te d'où fait penser. Vient ce bruit ? Ce à quoi ça te fait penser. Ah ! On dirait le tout début d'une connexion Skype. Quoi ? Tout au début avant que ah ça... bon ? Bah tout au début. Avant alors que ça se mette à chanter. J'ai eu des balais d'essuie-glace. Ah, des balais d'essuie-glace. Ah. Pas mal aussi, ça. Ah, puis j'ai droit qu'à une seule réponse. Ouais. Oh, putain. Dommage. Non, c'était le début d'une connexion Skype. Voilà. Non, c'est juste la question subsidiaire que j'ai mise en place. Donc, vous pouvez nous retrouver sur... Ah, oh, puis après, on aura l'air con, c'est nul. Mais non. Bah si. Ah putain, puis en plus, t'es en train de te délecter, là. Ouais. Et puis, t'essayes de finir. Et vous pouvez nous retrouver parce qu'il y a des gens qui vont parler en même temps que toi. /la-playlist.podcloud.fr. Bien sûr, la playlist de Kikrine sera disponible sur Spotify. Au moins les morceaux que j'ai réussi à trouver pour la bonne version. Et tout sera disponible dans le billet d'émission. Je vous mettrai en même temps les petits trucs dont on a parlé aujourd'hui. Donc, la version des Muppets de Bohemian Rhapsody qui est très rigolote. Voilà, et les clips d'Émilie Simon. Voilà. Mm. Ou sinon, vous regardez sur YouTube, tapez Émilie Simon, ça marche aussi. C'est une vidéo de mettre tout YouTube, comme ça je gagne du temps. Voilà, et moi je mettrai la vidéo de quand je danse, parce que je me suis filmée en même temps. Non. sinon, en musique libre de droite, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, j'ai choisi ce que je t'ai envoyé. D'accord, donc c'est Heaven in Mouth de In Touch with Robots. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette chanson ? Parce que c'est dans le style de musique que j'aime bien. Et la musique libre, c'est difficile à écouter, tu le sais, je pense. Parce que c'est pas... Parce qu'il faut en écouter beaucoup avant de tomber sur un truc bien. Ou c'est un peu comme la vraie musique. Enfin, je veux dire, la vraie musique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une première sélection quand même. Hein, que là t'as le tout venant. Donc il y a du bon et du moins bon. Du coup, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que je propose aux gens de nous proposer une petite sélection de ce qu'ils aiment. Oui. Donc du coup, voilà. Moi, j'avais déjà fait une présélection avant parce que Elle ne veut pas lâcher le contrôle. Elle veut tout faire jusqu'au bout. C'est horrible. Voilà, tu comprends pourquoi, en général, les gens qui sont autour de moi finissent par dire « Mais tu vas fermer ta gueule ! C'est pas possible !» Alors, faut dire ça et après, je me tais. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais l'inviter dans un podcast. Il faut se faire inviter par Kikrine. Comme ça, vous gagnez du temps. Je pense que ce sera ça, la morale. J'arrête de parler. Bon, moi, je vous dis à la prochaine fois. Donc, on vous laisse avec Heaven in Your Mouth de In Touch with Robots. Et puis, merci Kikrine d'être revenue. C'était très sympathique. Même s'il est déjà 1h12 du matin. Oh putain, oui. Ouais, je sais, c'est violent. J'avais pas vu. Bon, on a commencé tard. Oui, on a commencé tard. Ben moi, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, salut. Ciao.